Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous. À partir du 10e épisode, on arrête de faire cette intro. Mais pour l'instant, vous êtes dans le 8e épisode de l'Estaminerde, votre rendez-vous de société, de techno et de culture pop. Je m'appelle Matt et je suis toujours ravi de vous accueillir dans notre établissement. Et je remercie encore une fois nos piliers de bar que sont Monsieur Chris 2. Salut Chris 2. Salut Matt. Comment ça va? Eh ben écoute, ça va pas trop mal. Et toi? Bah ça va, je te remercie. Qu'est-ce que je peux te servir? Bah écoute, moi je vais boire un petit verre de desktop parce que j'ai fait la dernière émission depuis le siphon de mon lavabo et je peux te dire que là-dedans c'est pas joli joli. Donc il va falloir nettoyer tout ça. Ça explique ce son venu d'outre canalisation. Ouais, on peut dire ça, ouais. Et nous sommes aussi en compagnie de monsieur Valentin. Salut Valentin. Hey, salut. Gars, disons, je t'ai déjà servi beaucoup trop de choses à toi. Qu'est-ce que je te sers ce soir pour commencer cette émission? Eh bah, petite sœur. Ou sinon une Grimm, c'est bien aussi. Ouais, Grimm, c'est sympa. Ouais. Et évidemment, l'incontournable, l'inénarrable, Mister Yanda est parmi nous. Bonsoir, je prends une superbe voix avec ma qualité sonore fantastique. Bonsoir à tous. Et qu'est-ce que tu vas boire avec ce son-là? Je ne sais pas, quelque chose pour la gorge, quelque chose qui me permettrait de faire de l'ASMR. Qu'est-ce que tu me proposes? Qu'est-ce que tu as en stock pour moi? J'ai un grand verre de foutre. C'est très bon pour la gorge. Eh bien, je vais passer. Non, merci. Mets-moi un verre d'eau, ça ira très bien, s'il te plaît. Moi, pour ma part, je vais plutôt me contenter d'un grand bol de seum. Voilà. Oh. Eh oui. Pourquoi donc? Parce que ma voiture me pose des problèmes et que ça m'agace et que je déteste les problèmes d'adultes et les problèmes de grandes personnes. Moi, je vais avoir des problèmes genre les dos de mes comics, ça sont pas de la bonne couleur, les typos sont pas bien, tu vois. C'est ça, c'est le genre de problème qui m'intéresse. Après, ta gazinière qui marche pas ou ta saloperie de fenêtre, de vitre électrique de ta fenêtre de voiture qui remonte pas et tu dois aller chez le garagiste pour la faire changer. Ça m'agace particulièrement. Je ne sais pas gérer ces trucs-là et ça me fout donc le seum. Voilà. Moi, j'ai plus de voiture, donc comme ça, c'est réglé. J'ai eu qu'une seule voiture dans ma vie, une seule petite ma chérie, tu vois. J'ai eu qu'une seule femme et qu'une seule voiture, tu vois. Donc je suis quelqu'un de très très fidèle. Est-ce qu'elle est partie avec la voiture? Non, elle est pas partie avec la voiture. Je l'ai foutue à la casse. Je parle de la voiture, hein, du coup. Mais elle avait fait son temps, une petite Xantia, comme celle de Jean-Claude Convenant, n'est-ce pas? Mais un peu moins tunée. Que j'ai eu pendant 10 ans avant que une pièce à la con pas... lâche. Je fais pas mon relou, mais c'est quoi Jean-Claude Convenant? J'ai vraiment pas la rêve. Ah, pardon, c'est Caméra Café, Jean-Claude Convenant. T'as pas, la rêve de Caméra Café, mais tu faisais quoi le soir? T'étais pas devant M6 comme tout le monde? Jean-Claude Convenant, ouais, le gros beauf qui avait une Xantia de beauf. Tu l'as pas. T'as jamais regardé Caméra Café? Je suis tombé dessus vite fait, mais j'ai jamais regardé de façon assez assidue. J'ai noté qu'il y avait Alexandre Pell dedans, oui. Qui est un type pour lequel j'ai une sympathie un peu particulière, mais sinon, non, j'ai jamais vraiment regardé ce truc-là. Ouais. Ok, bah voilà. Pas au point de connaître les personnages en tout cas. Donc, du coup, tu avais la voiture de ouais, alors c'était le même modèle de Jean-Claude Convenant, ouais, dans Caméra Café. C'était le même modèle, mais c'était pas. Sans pare-buffle, quoi. Voilà, sans pare-buffle, sans tout l'attirail un peu. T'as pas l'œil qui l'a. Mais non, moi c'était vraiment la Xantia de vieux avec dedans un petit. Du faux bois sur le tableau de bord pour faire genre un peu. Peu luxe, j'en sais rien, je sais pas trop ce qu'ils ont voulu faire avec ce faux truc en bois, c'était bizarre, mais les gens se foutaient de ma gueule, bah, quand t'as 18 ans et que tu te ramènes avec cette voiture, t'as tes potes qui disent ouais, la voiture de vieux et tout, et une fois qu'ils étaient installés dedans, ils fermaient tous leur gueule en mode ah, c'est vrai qu'on est bien, ah, et puis il y a de la place et tout, bah ouais, c'est pas comme ta Clio de merde, connard. Bon. Ouais, ça faisait la même quand j'arrivais à une soirée avec une Cougar, et tout le monde se foutait de ma gueule, puis en fait une fois qu'ils étaient dedans, ils trouvaient ça sympa aussi. Cougar, c'est une voiture de Dacia, c'est quoi, comment ça marche? Non, moi j'ai roulé pendant 10 ans en Dacia. Écoute, c'est pas si mal que ça les Dacia. Puis c'est fabriqué par mes cousins des pays de l'Est, donc je veux dire, tu vois, la famille, tout ça. Moi ma première voiture c'était une Peugeot 106, une commerciale, donc il y avait pas de banquette arrière et il y avait que 4 vitesses. Il y avait que 4 vitesses. Et en fait, elle avait la marche arrière ou pas? Non, il y avait 4 vitesses plus la marche arrière, évidemment, quand même pas déconner. Je pouvais faire des pointes à 60. Ouais. Et en fait, elle avait un petit souci, elle sentait très fort l'essence. Et il m'a fallu 2 ans pour découvrir qu'il y avait en fait une fuite entre le réservoir et le moteur, en fait, où voilà, l'essence s'écoulait un petit peu comme ça dans le véhicule. C'était absolument pas dangereux, il suffisait juste de pas craquer une allumette. Ouais. Et puis, véhicule non fumeur. Ouais, voilà. Moi, n'étant pas fumeur, ça ne m'inquiétait pas trop. Les gens n'étaient pas très rassurés. Quand j'emmenais quelqu'un en voiture, je me disais, est-ce que t'as un peu d'essence, ta voiture? Non, c'est dans ta tête. Mais bon, si vous voulez quand même, l'anecdote ultime, c'est que j'ai acheté cette voiture sur eBay à l'époque, c'était en 2006, et j'ai dû la payer 600€, et elle est repartie 4 ans plus tard, en prime à la casse, quand j'ai changé de bagnole, pour 500€, sans que je n'ai jamais fait un seul frais dessus, c'est pas facile à dire. Donc cette bagnole, j'ai roulé avec pendant 4 ans pour 100€. Voilà, donc c'était une très bonne affaire, c'était une très bonne petite voiture, j'en étais très content, figurez-vous. Du coup, tu nous conseilles eBay pour nos achats véhicules ou comment ça marche? Plus maintenant, je pense que maintenant... Maintenant c'est eBazaar. Même le Bon Coin, maintenant je te conseille pas trop, je pense que ça doit être un peu la zone. Mais à l'époque, il n'y avait pas le Bon Coin, il y avait que eBay en 2006, hein. Il n'y avait pas beaucoup de... Enfin je sais pas, moi je connaissais que ça à l'époque. Non mais sérieux, il y avait eBazaar qui était un truc début des années 2000, la pub c'était avec une vieille dame. Franchement, on retrouvait les pubs de eBazaar sur Dailymotion à l'époque. Ça ne me dit rien du tout. C'était assez lol. J'ai toujours cru que eBazaar c'était une manière de dire eBay, une manière détourné de dire eBay. Je savais pas que c'était un vrai truc. Tu viens de me Je me trompe peut-être. Hein. Je te propose de fact-checker pendant que Kanda nous parle de sa voiture. Allez, c'est parti. Fact-check. Moi, ma première voiture, alors j'en ai un très bon souvenir. Il m'est arrivé moult péripéties avec cette voiture. C'était une Ford Fiesta, les deuxièmes séries. Et c'est une voiture à laquelle j'ai fait une grande misère, c'est-à-dire que j'ai roulé, je pense, pendant plusieurs centaines de kilomètres avec un réservoir d'huile complètement sec. C'est-à-dire que je l'ai ramené du coup chez le garagiste à un moment donné, je sais même plus pourquoi, je crois que j'avais un pneu crevé, enfin un truc vrai, qui avait rien à voir, et quand je l'ai récupéré, le mec était un peu choqué, il m'a dit mais quand est-ce que vous avez mis de l'huile dans la voiture? Je lui ai dit franchement je sais pas, je crois que j'en ai jamais mis, le voyant c'est pas allumé donc j'en ai pas mis, et il me dit mais franchement votre réservoir il est sec, comme si la voiture était neuve quoi. Je fais ah ouais, c'est cool, merci, il faudra que j'en mette. Donc voilà, mais c'était du coup une voiture extrêmement résistante. Tellement résistante que alors il y a deux anecdotes, vous allez pouvoir choisir, y compris chez vous chers auditeurs et auditrices. Voter, hein, bien réponse sûr. B voilà, SMS, donc vous envoyez votre SMS. Évidemment, exactement. Réponse, vous envoyez un ou deux au numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Donc, vous avez le choix entre l'anecdote numéro 1, qui est l'anecdote de, comment on va dire ça, une histoire de nuit, et l'anecdote numéro 2, qui est l'histoire de la fin de sa vie, puisque elle est aujourd'hui... oui, elle repose, je pense, au cimetière des voitures, en tout cas à la casse, puisque... Au Valhalla des voitures. Voilà, au Valhalla des voitures, exactement. Et du coup, on attend que les gens votent et tu nous le racontes dans le prochain épisode ou trêve de blabla. Ce que je vous propose de faire, c'est de vous aussi participer au vote, comme ça vous me dites quelle anecdote vous avez envie d'entendre en premier, sachant que je vous raconterai les deux, parce que les deux sont assez cocasses. Elle était de quelle couleur, cette Ford Fiesta? Elle était grise. Ah, voilà. Ah bah alors la une. Alors la une. Voilà, alors la une. C'est tout à fait logique. Donc on part sur la une, l'histoire de nuit. Allez, go. Eh bien, c'est un excellent choix. Donc, nous étions... commercial soirée... d'histoire anecdotique. toujours, c'est important. C'est important. Toujours conforter le client dans son choix, c'est important. Donc du coup, on était en soirée, j'étais en soirée bien arrosée, du souvenir que j'en ai. Soirée qui avait fini, qui était partie, boîte de nuit, after, enfin la totale, j'étais dans mes années folles, mes années guindes. Et du coup, donc il devait être peut-être 6h du mat, un truc comme ça. On sort d'after, j'étais avec un pote et on rentre. Et on était donc avec ma voiture. On devait rentrer. Bon, j'arrivais à marcher à peu près droit, mais voilà, il fallait regagner déjà la voiture. Bien évidemment, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Et si vous en consommez, n'oubliez pas les liens d'affiliation en description de ce podcast. C'est important, merci pour le soutien. Du coup, on rejoint ma voiture et donc j'ouvre la portière. Conducteur, donc. Je monte sur le siège et là, je n'ai plus de tableau de bord. Mais vraiment, j'ai à la place des fils, en fait. Et donc là, t'as le volant, moitié morceau. Alors il y avait le volant, mais juste derrière en fait tout qui était le tableau de bord était un bloc qui était le bloc compteur en fait où j'avais donc les deux affichages de nombre de tours par minute et vitesse qui étaient d'un seul et même bloc et tout ça ça n'y était plus en fait dans la voiture et là je fais mais what the fuck, je tourne la tête et en fait je me rends compte que la fenêtre côté donc passager était éclaté, il y avait des bouts de verre partout sur le siège, voilà, donc quelqu'un avait pété la fenêtre passager pour rentrer. Donc j'avais mon pote qui était encore dehors qui était en train de me dire oh putain, on t'a cassé ta bagnole. Voilà. Et ah, je t'ai reconnu, c'est Valentin ça. Ouais, c'était Valentin, c'est vrai. Et je lui dis ah, mais attends, mais regarde, je lui dis je crois que je suis en train d'halluciner, j'ai plus de tableau de bord. Et donc il regarde, il fait ah ouais, effectivement. Et là, je me retourne et en fait, mon tableau de bord était posé sur la banquette arrière. Ah, ça va, ils ont été cool. Donc, je n'ai toujours pas la réponse à cette question. Ça me hante. Si jamais tu nous écoutes aujourd'hui, toi qui as pété ma bagnole, alors j'ai plus l'année par contre, donc j'ai bien fait le tour. J'ai pu alors rebrancher du coup, puisqu'en fait, le truc était juste déconnecté. Donc j'ai pu rebrancher le compteur le lendemain matin. Je suis rentré sans compteur parce que j'étais pas en état de le rebrancher, mais j'ai pu le rebrancher et il ne manquait rien. Il manquait en fait simplement même le poste radio, il me l'avait pas tapé, qui était en plus un poste CD avec ce qu'on appelait à l'époque les postes caméléon, c'est-à-dire que quand il était éteint, la visière, l'avant se retournait sur lui-même pour donner une impression de y a rien. Putain, c'était le bon temps, je me souviens de ça. C'était tellement classe à cette époque, putain. La vraie vie. Mais donc, ils ne m'avaient absolument rien volé dans la voiture, donc pas le tableau de bord au final, déception un peu. Mais ils avaient si en fait volé un truc, c'était le tout petit bloc qui est le bloc digital d'affichage de l'heure. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, je ne l'ai jamais changé, bien évidemment, mais c'est le seul truc qu'on m'a volé, et en plus de m'avoir pété un carreau. Et donc, la personne m'a démonté le tableau de bord et gentiment déposé sur la banquette arrière. Mais voilà, c'est pas allé plus loin que ça. Il ne l'a pas emmené avec lui. J'aime, voilà pour cette première anecdote. J'aime beaucoup. Assez rocambolesque, vous en conviendrez. Et la deuxième, donc maintenant, sa fin de vie. Eh bien, en fait, il faut savoir que cette voiture a donc décédé au cours d'un accident pour lequel je n'étais pas en tort. C'est important de le préciser. Tu te défends bien vite hein, pour un mec pas en tort. Hein, je veux pas dire, mais sur Twitter, il y aurait déjà 2-3 remous, à mon avis. C'est vrai, mais... En fait, il s'avère que j'ai eu un accident avec la police. Putain, mais... Et tu n'étais pas en tort. Et je n'étais pas en tort. Tu étais forcément en tort si tu as eu un accident avec la police. Eh bien, franchement, je pense que j'ai dû tomber sur ou une bonne étoile ou les quelques personnes de bonne foi, puisqu'ils ont été... ceux de la voiture en tout cas hyper hyper honnêtes et hyper réglo, parce qu'ils ont tout de suite effectivement reconnu qu'ils étaient en tort. Ils ont en fait grillé un feu et ils n'avaient pas les gyros. Et donc moi je traversais. Alors c'est assez bizarre parce que je roulais pas hyper vite. Je partais bosser. C'était un matin. Je partais bosser avec un pote. Et c'était le dernier feu avant qu'on soit arrivé au boulot. Donc vraiment. Et en fait je passe le feu qui était donc vert et je vois surgir sur la droite. De ce que j'en vois à ce moment-là, c'est juste le blanc et bleu de police du côté de la voiture. Tu vois. Et là paf, je tape la bagnole. Moi ils m'ont tapé sur le côté droit, donc en fait j'ai fait un espèce de tour sur moi-même avec la voiture et eux sont partis sans plafonner dans le terre-plein, on va dire. On était en centre-ville, c'était une barrière, et là je me suis dit, premier réflexe, je me suis dit putain, j'ai grillé le feu. Et comme par hasard, je grille le feu et en plus je cartonne les flics, quoi. Donc vraiment c'est la merde. Et donc j'ai dit à mon pote, j'ai dit putain, mais j'ai grillé le feu. Il me dit non, je suis sûr il était vert. Je dis bon, ok, on descend. Alors je force un peu pour ouvrir ma portière, mon pote descend de mon côté parce que du coup son côté à lui était enfoncé, la portière était coincée, et les mecs descendent, enfin il y en a un qui descend puisque son collègue s'était un petit peu fait mal au niveau de l'épaule, et le mec nous dit texto, et je m'en souviendrai toute ma vie, il nous dit désolé, on n'a pas vu le feu, on était en train de chercher notre route. Ce qui est quand même un argument fantastique, parce que si tu te places de l'autre côté, tu te dis, attends, tu cartonnes les flics, t'es en tort, tu sors ça au mec, tu dis, ah, désolé, je cherchais ma route. Est-ce que tu lui as dit, est-ce que vous avez vos papiers? Ouais, ben, j'ai pas eu le réflexe sur ce moment-là, mais c'était quand même, c'était assez fou. Et donc, du coup, bah, ils nous disent, ouais, par contre, vu que mon collègue s'est fait mal, il a un peu pas le permis. Aux épaules et au cervical et à l'épaule, on va appeler des collègues pour faire le constat. Puisque quand il y a des blessés, si minimes soient-ils, il convient d'appeler la police pour faire le constat. Et donc, ils ont appelé leurs collègues qui sont venus et tout machin. Et eux, par contre, étaient beaucoup moins... alors, pas réglo, mais en tout cas, je me souviens qu'ils cherchaient vraiment à dire « Mais vous êtes sûr que, vous avez pas, que le feu était vraiment vert, vous êtes bien sûr et tout ?» Donc, heureusement que les... Non, mais c'est parce que c'était des délégués syndicaux, ça. Peut-être, peut-être. Mais du coup, voilà. Et donc, cette voiture a fini avec un carton... avec la police, pour lequel je n'étais pas en tort, mais ce qui ne m'a rien fait récupérer, puisque la valeur épave était absolument ridicule, je crois qu'elle était du coup de la franchise, enfin, c'était un truc scandaleux, donc je n'ai rien récupéré de cette voiture, et elle est partie finir sa vie dans une casse, mais elle est partie avec panache, puisque elle a également mis épave une voiture de flic, et en tant qu'ex jeune voyou viscardeux, eh bien écoute, j'étais assez fier de moi et fier d'elle en tout cas. Je suis tombé sur la Ford Fiesta RESPCT. Je suis tombé sur la même équipe de flics, le même duo de flics en fait, sur un rond-point à Paris. C'est des ronds-points chelous, il y a des feux au milieu. Tu sors d'une rocade de... Enfin, tu sors du périph, t'arrives sur un rond-point et il y a des feux. Donc je sors du périph, je suis sur la rocade, je vais rentrer dans le rond-point et là je me fais arrêter. Contrôle d'identité, ça contrôle tout ça. Pour la petite histoire, c'est important, j'ai jamais eu de carton en voiture responsable, jamais d'accident. Ce sera important pour une prochaine histoire, vous allez voir, teasing. Bref, le mec me fait contrôle d'identité, il n'y a rien, on regarde les trucs, l'assurance et tout. Pas de problème. Et là le mec se met sur le côté. Et il me dit, vous pouvez circuler, il bloque les voitures qui arrivent et il me réintroduit dans la circulation. Le flic bloque la circulation et il me fait, vous pouvez y aller, il me réintroduit dans la circulation, allez-y. Donc, je rentre sur le rond-point et immédiatement, ça resifle et j'ai une autre équipe de flics qui me fait, garez-vous sur le côté. Ok, je dis, je viens d'être contrôlé par vos collègues, hein, juste un peu avant. Il me dit, non, certainement pas pour la même chose parce que là, vous avez passé le feu rouge. Ah putain. Je dis, bah non, en fait, il y a votre collègue là qui me réintroduit dans le truc. En fait, du coup, c'est lui qui me fait circuler et bah, c'est ça qui... Mon collègue, il est pas là. Et le mec, il faisait un autre contrôle, tu sais, genre, tu peux pas accrocher le regard de l'autre. Et le mec me dit, ah bah non, ça marche pas. Et du coup, la totale, PV, point et tout, voilà. Du l'embrouille, quoi. Sympa, bon esprit. En 3 minutes. Ouais, très très sympa. Comment ça m'énerve. Sérieux, quoi. Et du coup, en plus, j'avais pas l'habitude parce que tu vois, avec ma tronche de blanc, c'était mon premier contrôle d'identité. J'avais jamais profité du délit de faciès ou quoi que ce soit. J'avais jamais eu affaire à ces gens-là. Donc en plus, j'avais pas les bons réflexes de baratineur que tu peux avoir dans ces cas-là. Donc, moi, j'en ai plein. Hein, tu vois, j'en ai pas mal. Hein, j'en ai pas mal. On s'est fait contrôler avec des potes en centre-ville. Parce que alors il y avait plusieurs raisons à ça. Donc il y avait déjà nos faciès assez louches, hein, bien évidemment. Et, et surtout, il faut qu'on le dise pour ceux qui n'ont pas eu la chance de tomber sur tes vidéos YouTube. Tu as plutôt un faciès de type méditerranéen. Oui, tout à fait. Voilà. Donc c'est ça, ce qui peut un peu comme moi quoi. Inciter à la discrimination. Ah, t'es pas originaire de Corée ? Exact. si, mais ça remonte à très loin. Ah, okay. C'est de l'autre Méditerranée, celle-là, tu vois. D'accord, c'est, okay. C'est bon. Alors. La Méditerranée de l'Est, quoi. Le club Méditerranée de Séoul. Voilà, le club Méditerranée, ouais, c'est ça. Et du coup, on s'est fait contrôler dans une 405, le mode 405 MI16, donc voilà, la voiture qui fait un peu du bordel. Et la voiture était immatriculée dans le 92 parce que c'était la voiture de fonction du père de mon ancien pote. Et c'était un lendemain de match Bordeaux-Paris. Donc forcément, trois jeunes immatriculés 92 qui roulent dans Bordeaux-Centre avec un faciès un peu limite, on n'a pas fait long feu. Mais c'était très drôle parce que... C'était très drôle parce que le contrôle a eu lieu, donc les mecs étaient vraiment, ils étaient chauds quoi, mais sauf que nous on était complètement clean, et donc c'est hyper, à cette époque-là en tout cas, c'était hyper drôle de se faire contrôler parce que ben tu savais que t'étais complètement clean. Et alors, quand c'est la première fois, quand c'est la troisième ou quatrième fois de la journée, c'est relou, mais la première fois c'est rigolo parce que tu sais que t'es clean et tu sais que en face il cherche quelque chose et qui dit vous êtes sûr que vous avez rien sur vous, vous êtes sûr parce ouais, que si je trouve quelque chose ça va... ben ouais allez-y, il y a aucun problème, voilà, vous pouvez fouiller partout, vous pouvez fouiller dans la voiture aussi, il y a pas de souci. Et tu sentais qu'ils avaient le mort d'avoir rien trouvé, c'était une catastrophe quoi. Et voilà, c'était des... j'en ai pas mal d'anecdotes comme ça effectivement de contrôle supposé au faciès, puisque bien évidemment ils trouvent toujours une raison, mais Tu vois, moi, c'est marrant parce que du coup, j'y pense. Et en fait, j'ai dû être arrêté genre deux fois par la police depuis que j'ai le permis. Et maintenant, quoi, ça fait 14 ans que j'ai le permis, j'ai jamais soufflé dans le ballon. Jamais, jamais on m'a fait souffler dans le ballon. Voilà. Ah si, c'est marrant. Ouais. Vous essayez, c'est rigolo. Parce que t'as l'impression que tu dois souffler à mort pour gonfler le truc alors que ça gonfle tout seul très très vite. Et la première fois, c'est surprenant. J'avais mis tous mes poumons comme un gros porc. Et puis en fait, bah, le truc s'est gonflé en une demi-seconde. Et j'ai fait, ah, c'est bon, bah, ça va. En fait, c'est facile en fait. C'est sinon, ça va en fait. Je pensais pas que c'était aussi évident dedans. Mais ouais. J'ai pas. C'est peut-être que t'as vomi un peu dedans, c'est pour ça que ça a bien rempli direct. Quoi. Pardon, Chris, ah, moi... du coup, je t'ai coupé. Non, c'était tout. C'était ma seule anecdote pour dire D'accord. qu'en fait, je ne me faisais jamais arrêter et qu'on ne m'avait jamais soumis à l'alcotest. Comme je ne bois pratiquement pas et encore moins quand je conduis, de toute façon, il n'y avait pas grand chose à trouver. Mais voilà, j'ai pas une tête à me faire arrêter. La douane m'a arrêté, moi. La douane m'a arrêté. Tu sentais qu'il se faisait vraiment chier et que vraiment c'était par hasard. Bah tiens, on va prendre en chasse celle-là. Et puis on était sur une route nationale. Et donc on voit j'étais avec mon ex, du coup, sur la route. Et on voit les gyrophares derrière qui s'allument. Ils ont un petit. C'est très très bien fait. Ils ont un petit écriteau en LED qui s'affiche en mode suivez-nous, ouais. suivez-nous avec des flèches et tout. C'est très très joli. Donc on les suit, je fais ok, super. Il y a un peu Dance Revolution. c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et du coup, ils nous arrêtent. Et puis, c'était vraiment, il n'y avait personne sur la route. Donc tu sens que c'est le contrôle de routine, juste on s'emmerde et voilà. Et donc, ouvrez tout, ouvrez la boîte à gants, ouvrez le coffre et tout ça. Vos braguettes. Voilà, exactement. Donc, bah ok, si vous voulez, on ouvre. Et en fait, c'était quoi, il y a 10 ans. Une époque où j'étais jeune, j'étais un jeune freluqué, n'est-ce pas? Et on tournait pas mal de trucs, des web-séries, des choses comme ça. D'ailleurs, la voiture, ma fameuse Xantia, est présente dans toutes ces vidéos-là, donc vous pouvez voir à quoi elle ressemble. Et il se trouve que du coup, on avait pas mal de costumes, d'accessoires et tout ça, et qu'on baladait entre les tournages. Et donc, du coup, mon coffre était rempli de merde, mais vraiment rempli. Rempli, rempli, rempli. C'est-à-dire que dès que je devais mettre quelque chose de perso dans mon coffre, bah, je le mettais plutôt à l'arrière, enfin, sur les sièges passagers, parce que mon coffre était rempli de costumes et de merde en tout genre. Genre, donc, t'avais des perruques, des sets pour être une momie ou des trucs comme ça, quoi. C'est ça, des faux pistolets, des faux trucs, voilà. Tu t'entendrais très bien avec mon frère, qui est exactement le genre de merde, ce genre de merde dans sa bagnole. Bah, c'est voilà. Juste. Une catastrophe. C'est exactement ça. Alors j'ai vite réglé le problème après ça, mais du coup voilà, vu que c'était le contrôle de routine qui se faisait chier et qu'ils ont bien vu qu'on avait rien de particulier, qu'on cachait rien ni quoi que ce soit, ils ont essayé les costumes. Non, c'est juste que quand j'ai ouvert le coffre et qu'ils ont vu le bordel que c'était, mais en mode vraiment c'était dégueulasse. En fait, les deux se sont regardés en mode. Oh non, on va pas fouiller ça quand même. Et puis t'as l'autre en face qui fait non ouais c'est bon. Bah allez-y circulez, on vous laisse partir, il y a pas de souci. Donc si vous voulez cacher de la drogue ou des armes dans votre bagnole, foutez le bordel dans votre coffre, ayez l'air un peu présentable et ça devrait passer sans souci. Voilà. Ou renversez vos cartons de comics, on l'a déjà dit, ça marche. Ah aussi. Oui, ça fait partir de la douane. Ouais. Absolument. Voilà, c'était ma petite anecdote douane, puisque j'ai pas été arrêté 36 000 fois non plus. Une fois, parce que c'était de ma faute, j'avais pris une voie de bus et j'avais pas vu. Et pareil, le mec, avec un grand sourire, m'a dit « Oh, bah, c'est bon, c'est pas grave, allez-y, circulez, on vous y reprendra plus. » Je fais « Oui, d'accord. » Puis je suis parti. Ah, moi, avec ma 106, ça m'est arrivé une fois de prendre une piste cyclable, véridique. J'arrive à un feu en région de Rouen, véridique. En région de Rouen et donc Rouen la circulation c'est assez naze hein. Si vous connaissez Rouen bah il y a aussi ces fameux ronds-points avec des feux, tu sais, une fois je me suis fait foncer dedans, d'ailleurs je suis le spécialiste, par contre on m'a foncé dans le cul au moins deux ou trois fois en bagnole, j'ai jamais eu causé en d'accident bagnole, en bagnole. Oui, tout à fait, oui. Oui. Oui, non, autrement, non, je, effectivement, je ne fais pas de moto ni de vélo. Et, et donc, subtil, très subtil. J'en reviens donc à mon. On apprécie la. J'en reviens donc à mon anecdote. J'arrive à un feu et je cherchais. À l'époque, je venais d'emménager sur Sotteville et je devais récupérer ma box pour avoir internet parce que je n'avais pas internet et que forcément les livreurs ne te livrent jamais et donc ta box finit directement au centre de tri UPS, je crois à l'époque. Et donc, je me retrouve dans la zone industrielle de Sotteville qui est fort grande. Pour retrouver ma box internet et j'arrive à un feu et mon téléphone je crois me dit de tourner à droite et donc moi ça passe au vert, je prends directement la file qui s'insère vers la droite et je réagis qu'en fait il y a un peu plus loin une intersection et que cette file de droite est en fait une piste cyclable très large qui permet de prendre une autre direction. J'ai dit écoute, ça passe et c'est passé et bon, personne n'a rien dit, personne n'a rien vu, mais ça fait partie de ces drôles d'activités qu'on peut avoir en voiture, mais bon, ça, ce n'est pas très différent de la route, sachez-le. Oui, moi j'ai fait un pont à sens unique dans le mauvais sens de nuit. Très très sympa, je vous le conseille. Wow. En fait, quand je faisais les émissions de le vendredi soir sur la web radio, la grosse radio, je bossais le matin tôt. Après, je faisais des trucs un peu toute la journée et après, fallait aller à Paris pour faire l'émission. J'habitais au Havre, donc après l'émission, fallait rentrer Paris-Le Havre. Et les soirs où j'étais un peu fatigué et tout, je branchais un peu ma copine de l'époque pour qu'elle vienne avec moi, en disant bon bah t'assistes à l'émission, le groupe est cool, et puis comme ça bah si tu peux conduire un peu pour rentrer, c'est bien quoi. Donc étant donné qu'elle était là, je faisais l'émission en picolant un peu plus que d'habitude et surtout beaucoup plus que de raison. Et vers la fin de l'émission, sur les minuit du vendredi soir bien tapé, en général, c'est arrivé assez souvent. Elle me dit oh non mais en fait je suis fatigué, je me sens pas de conduire. Donc toi t'es debout depuis 5h du mat, tu t'es déjà enquillé le Havre Paris, donc t'as déjà fait tes 2h dans l'autre sens, t'as fait toute ta journée, t'as bossé, t'as trop bu, et bah faut rentrer en fait. Wow. Et voilà, jamais contrôlé. Et du coup à chaque fois il y avait une sorte d'embouchure un peu chelou pour retrouver l'autoroute. Et à chaque soir, mon GPS faisait découvrir une route différente avec des plans de circulation qui n'étaient pas fifous. Et à un moment, donc, je me retrouve sur un pont que je ne connaissais pas. Et je me dis, ah bah ouais, ok, c'est chelou. Et en face de moi, sur le pont, je vois des lumières jaunes. Donc je me dis, bah en fait, je ne dois pas être sur ma bonne file. Donc je me mets sur la file qui est à sa droite. Et là, je vois encore des lumières jaunes. Et là, je me rends compte qu'en fait, il y a des lumières jaunes sur toutes les fils. Donc je me dis, bon bah écoute là mec, t'es en sens interdit, t'es au milieu d'un pont et il va falloir qu'on trouve une solution pour que tu sortes de là rapidement parce qu'il ne faudrait pas que tu te fasses contrôler maintenant. Bon voilà. Oui, ou même juste taper une bagnole en face, c'est plus ça aussi le. C'est relou quoi. Elles m'ont semblé loin, du coup, tu vois, je me suis dit qu'elles étaient probablement elles-mêmes arrêtées à un feu et qu'elles allaient arriver plus tard. Bah, j'ai fait demi-tour sur mon pont tranquillement, et puis j'ai repris ma route, quoi. Au calme, petit demi-tour, trois temps. C'est passé. Mais en fait, j'ai appris à rester calme avec les voitures dès mon premier véhicule, parce que quand j'ai eu mon permis, mon père m'a dit oh, bah tiens, je vais te filer une voiture et tout. Mon père, il est chineur professionnel, il ramasse plein de trucs qu'il va stocker. Et les trucs qui l'intéressent, il s'en occupe un peu, les trucs qui l'intéressent pas, il les entretient pas. Je vous laisse imaginer pour la suite de l'anecdote que les voitures ne l'intéressent pas. Et que donc il les entretient pas. Moi, il m'a filé une bagnole. À aucun moment, je me suis dit vérifie l'état du véhicule. Donc je me suis saisi du véhicule. J'ai dit merci papa. Et puis avec le dit véhicule, je suis parti en vacances. Pour vous donner un peu l'état de la caisse, quand arrivé chez le garagiste un peu plus tard, on a ouvert, on s'est rendu compte qu'il y avait des tuyaux qui tenaient avec ce scotch marron d'emballage. Wow, du coup, il y avait des trucs de la voiture qui tenaient comme ça. Et alors en fait. Les pinces de frein, je ne suis pas un spécialiste donc je vais peut-être dire des conneries, mais pour ce que j'en ai compris, les freins c'est un disque en métal qui est accroché aux roues et il y a une pince qui vient serrer quand tu appuies sur la pédale de frein, comme tes freins de vélo, comme ce qu'on voit avec les pinces de frein de vélo quoi. Et ce système est actionné par un tuyau dans lequel il y a un liquide, le fameux liquide de frein. Et bien en fait, moi les plaques de frein, elles étaient grippées et elles touchaient le disque. Donc, elle frottait en permanence. Est-ce que vous vous souvenez de vos cours de chimie de 5e ? Le frottement produit donc de la chaleur. Et une chaleur intense fait bouillir un liquide. Et donc, et bah, techniquement, je n'avais plus de liquide. Et donc, dans ce véhicule, et bien, au bout de 100 km, je n'avais plus de frein. Et oui, car tu n'as plus de pression dans ta pédale pour actionner le système qui grippe. Et donc, j'ai fait un petit Nantes-Quimper avec une voiture qui, au bout de 100 km, avait plus de frein. Et donc, il fallait faire gaffe à comment tu roulais. Et moi, je comprenais pas, tu vois. À aucun moment, je me suis dit qu'il y avait une panne. Il a fallu que j'attende d'arriver chez le garagiste pour qu'il me dise En fait, vous avez un peu frôlé la mort, là, c'est pas possible. Mais moi, sinon, je me disais, c'est bizarre, des fois, elle est un peu molle à freiner la caisse, on dirait qu'elle réagit pas trop et tout. J'ai essayé de freiner à main et faire un dérapage. Ça doit être mouillé. Tout à l'embrayage. Ouais, ça devait être mouillé la route ou un truc comme ça, je sais pas. Et du coup, ça t'apprend à rester zen dès le premier véhicule. Ouais, j'ai appris à rester zen aussi parce que alors j'ai fait la conduite accompagnée, donc j'ai commencé à conduire à 16 ans, même un petit peu avant, parce que j'aimais bien faire le zouave avec la voiture de ma mère dans les champs et sur les stades municipaux. Et le parking d'Intermarché, il était grand. Ouais, c'était pas mal. Et en fait, j'ai appris à rester calme le jour où il a fallu que, en urgence, j'amène mon grand-père à la clinique de la main. Parce que donc du coup alors j'avais commencé la conduite accompagnée mais j'étais pas encore j'avais pas de permis du coup et j'avais pas le droit de conduire sauf avec un accompagnateur en état et il s'avère que là mon grand-père ne l'était pas du tout et ma grand-mère ayant une maladie génétique qui a fait qu'elle perdait la vue petit à petit pour finir complètement aveugle, inutile de vous dire qu'elle ne conduisait plus aussi, je crois que je l'ai jamais vu conduire la pauvre. Et donc en fait j'étais chez moi avec mes deux grands-parents et à un moment ma grand-mère m'appelle parce que j'étais donc à l'étage dans ma chambre et elle m'appelle en me disant que mon grand-père s'était blessé. Donc mon grand-père était quand même une bête d'un certain gabarit, plutôt de type conséquent, bon vivant on va dire. Et en fait figurez-vous que il s'était alors à 90% sectionné un doigt. Et comment ça me direz-vous ? C'est quand même assez fou. Eh bien en fait, il était dans le jardin, assis sur un transat en bois, et il a essayé de se relever. Alors je sais pas comment il a fait, et je crois Je sais pas vous, mais je suis pas chaud pour avoir tous les détails non plus quoi. Non mais ça va aller très bien. Merci. Je vais rester dans les détails. Je voudrais pas que tu fasses un capot en pleine émission. Et en fait, en se relevant, donc le transat a fait je sais pas un truc bizarre, et donc le transat s'est refermé et il y avait son doigt à un moment. Donc du coup, c'était le seul en état de conduire, sauf que là il ne l'était plus, et il fallait de toute urgence l'amener à la clinique pour qu'il se fasse soigner. Donc on m'a dit, j'ai dit. Hey, c'est une mission pour Bibi. Donne-moi les clés du 406 vers bouteille intérieur cuir blanc, je te dépose, il n'y a pas de problème. Centre-ville, donc nous voilà partis comme des balles en centre-ville pour le déposer. Et arrivé là-bas, impossible de se garer. Donc je leur dis, vous inquiétez pas, je vous dépose devant la clinique, vous faites ce que vous avez à faire, et puis quand il y a besoin, vous m'appelez, je reviens vous chercher. Donc ma grand-mère qui était un peu en panique descend, ils y vont, et du coup je me retrouve tout seul, donc à 16 ans et demi, peut-être, 16 ans et demi, 17 ans, Bordeaux-Centre, au volant d'un 406 vers bouteille intérieur cuir blanc, des familles, donc inutile de vous dire que j'en ai profité un petit peu pour faire quelques tours, histoire de montrer que... Ça sent le coude sur la portière ça. Ça sent un peu le coude sur la portière et les lunettes de soleil, effectivement. Pas très longtemps, parce que j'étais quand même pas non plus super à l'aise en me disant « Attends, si je me fais serrer à n'importe quel moment, ça peut très très mal finir. Et puis, il faut quand même que je puisse aller chercher mon grand-père et ma grand-mère quand ils vont m'appeler. » Donc voilà, je m'étais fait un petit, une petite balade supplémentaire, en plus de cette mission en urgence, où il avait fallu du coup aller les déposer à la clinique de la main à Bordeaux-Centre, pour les gens qui connaissent, une excellente clinique d'ailleurs, au demeurant, qu'il a soigné. L'histoire a bien fini, il a pu récupérer son morceau de doigt. Je vois dans les commentaires que les gens sont très touchés par l'histoire de la maladie génétique de ta grand-mère. On demande s'il y a une plateforme pour faire des dons pour la soutenir dans cette épreuve. Est-ce que tout comment on peut faire ? Tout à fait. Alors, elle n'est plus là aujourd'hui, mais l'association qui s'occupe des dons pour justement lui permettre de bénéficier des meilleurs soins possibles sera indiquée en commentaire de ce podcast. Et vous pourrez bien évidemment aussi faire des achats par les liens affiliés ou alors avec le code créateur. Mais je m'arrête là parce que le code créateur va être beaucoup trop sale. Je vais pas l'assumer, donc non, passez par les liens d'affiliation, ça fera plaisir, vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. Est-ce qu'il y a un site de dropshipping qui envoie des lunettes de soleil, non? Ouais, aussi c'est en cours parce qu'il faut un brevet spécial pour les lunettes, puisque en fait, comme la maladie fait que le champ de vision se rétrécit au fil du temps, il faut que les lunettes également, en fait, l'opacité des lunettes également se réduisent et s'augmentent avec le temps. Et du coup, c'est des lunettes qu'on trouve sur eBay, sur eBazaar, sur ce genre de trucs. Sur Wish et sur AliExpress, comme tout bon site de dropshipping. D'ailleurs, la qualité avant tout. J'ai pu fact-checker, n'est-ce pas, eBazaar. Et effectivement, alors c'est apparemment une, ça a été vendu à eBay en 2001, donc ça existait vraiment, ce site, mais ça appartenait à eBay. Donc, comme et l'Égérie, c'est bien une vieille mémé, on est d'accord. T'as pas trop les... Moi, j'ai juste un logo orange, jaune et bleu, c'est pas très très joli, mais j'ai pas la représentante du bazar. Alors, un petit eBazaar en recherche sur Google vous permet d'arriver à publicité année 2000 eBazaar, et vous verrez la vieille dame dont je parle. Ma mémoire est encore alerte. Mais on en reparlera sûrement dans un prochain épisode spécial publicité. Certainement. Ok. Pas. Certainement pas. Ok. Il y a que moi quand on ça ou pas? Un petit non ça. C'est dans... Allô? Ta tête non? Bonsoir à tous. Hein? Bonsoir. Est-ce que vous me connaissez? Oui, c'est Bill du Big Deal. Ouais, c'est ce que j'allais dire, putain. Bill, c'est toi? Mais pas du tout. Je suis Beat. Bite de cul de mille, la voiture. Est-ce que vous... Ah, salut, salut Bite, comment ça va? Ben ça va très très bien, donc... Et Mickaël est avec toi ou pas? Oui, alors il est avec moi, là il est sur le siège arrière, il se tripote, il n'y a pas de souci. Donc Bite, hein, n'est-ce pas, l'acronyme pour bagnole intelligente totalement turgescente. Est-ce que comme la voiture de la série télé, tu es une Pontiac Firebird ou tu es un autre type de véhicule? Ah, je suis la voiture de tes rêves, mon cher Matt. J'ai plein d'accessoires en tout genre. Je suis connecté comme jamais. C'est cool. Il y a une Dacia Logie. C'est la première fois que je vois une R16 qui parle. D'ailleurs, en parlant de connexion, moi, je me suis connecté à votre podcast que je trouve fort sympathique et même assez excitant, je dois le dire, avec votre dernière rubrique là, la petite Ford Fiesta de Monsieur Yanda. Je peux dire que je suis dans un état de demi-dur, là. Si vous me permettez, je souhaiterais m'introduire. Est-ce que tu... dans votre émission. Oui. Tu souhaites, c'est une histoire de rapport, en fait, c'est ça que tu es en train de nous dire. Tu souhaites passer la seconde. Je vais passer la seconde, la troisième, la quatrième. Je vais aller le plus loin possible. Le plus loin possible avec un petit Q-Is, si ça vous dit. Oh bah non. Eh bien, à bientôt alors. Merci d'avoir écouté cette émission. Matt est d'humeur taquine ce soir. Je vais... Ouais, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Taquiner aussi, tu vas voir. Je vais vous poser des questions en rapport avec les belles voitures bien en forme, les cylindrées aux carrosseries généreuses qui me font monter la jauge d'huile au maximum. Très bien, alors commençons. Première question, c'est parti. Pourquoi la couleur rouge est particulière pour les assureurs de voitures? Moi, je l'ai. Bah, allez-y, de toute façon, vous allez tous répondre un par un, et puis on notera les bonnes réponses après. Statistiquement, les conducteurs de voitures rouges roulent plus vite que les autres. Alors, réponse de Chris, allez, on va partir dans cet ordre. Moi, j'aurais dit l'inverse, j'aurais dit que elles étaient donc plus visibles, donc tu as moins de chances d'avoir un accident avec une voiture rouge, puisque tu la vois de plus loin qu'une voiture grise ou bleue qui se fond dans l'horizon, par exemple. Et Monsieur Yanda a-t-il une réponse? Moi, je dirais que statistiquement, les voitures rouges représentent la portion de plus grosse cylindrée en circulation. Ah là là là là, il vous faut un petit temps d'échauffement, je crois. Vous n'avez pas trouvé la bonne réponse. Pour les assureurs, une voiture de couleur rouge a plus de risques d'avoir des accidents que les autres teintes de carrosserie. Donc du coup, le coût pour assurer un véhicule de cette couleur est plus élevé. Et oui, il y a de la discrimination, même chez mes frères et sœurs voitures. C'est assez dramatique. En tout cas, moi, j'aime bien les rouges. Elles sont souvent plus coquines que les autres. Je me souviens de cette petite Fiat Panda et son petit pot d'échappement. Enfin, bref, on va passer à la question suivante. On peut donner le point à Matt, moi, je pense, parce que Matt a raison. Enfin, s'ils ont plus de chances d'avoir des accidents, c'est sûrement potentiellement parce qu'ils roulent plus vite et peut-être aussi parce qu'elles sont plus puissantes. Donc, Yanda n'a pas tort non plus. Je me suis auto-fact-checké. Visiblement, la réponse est non. Donc, voilà. Bon, d'accord. Je reconnais mon erreur. De te sauver, mais bon, ok. Non mais enfin, un peu d'honnêteté pour une fois dans ce podcast. Ah, une espèce de bromance là qui est en train de naître, ça m'excite pas mal ça. Quel a été le record de vitesse établi en 2017 par la Koenigsegg? Alors j'allais dire Koenigsegg, mais c'est pas ça du tout. Koenigsegg Agera RS, la voiture la plus rapide au monde. On a besoin là d'un... Ah, quel est le record de vitesse de la voiture la plus rapide du monde? Exactement, établi en 2017. Et sur l'échelle de Vincent Perrault? Sur l'échelle de Vincent Perrault, je pense qu'on peut aller au moins 2 ou 3 Vincent Perrault. Parce que Vincent Perrault fait du dragster quand même, donc ça, ouais. Ça va assez vite hein, comme, alors, deux comme ou trois voiture. 2 Vincent Perrault, moins 2. Ah oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Chris, vas-y. Allez, moi, je dirais. Pardon, je me permets de vous tutoyer parce que. Non, allez-y, tutoyez-moi vite, pas de problème. Je dirais 398 km/h. 398, on est comme au juste prix, mais avec des km/h. Monsieur Yanda. Oh non, on est sur bien plus. Bien plus que cela. On doit être aux alentours de, allez, on va dire 747 km/h. 747, tel un avion, un voilà. Tel avion bien, bien en... Bravo, Bit, tu as la référence. Quant à vous, cher Matt. Je trouve que la réponse de, je trouve que encore une fois Monsieur Yanda voit trop grand hein, Monsieur Yanda ne sait pas être raisonnable. C'est mon côté sudiste, ça c'est normal. Ça me paraît surréaliste en fait en termes de vitesse. Voilà. Et je, en fait, j'ai aucune idée. Donc je propose de plutôt que de balancer une connerie pour rien, de dire que j'ai perdu de base, j'ai vraiment aucune idée de ce que ça peut être, tu vois. C'est et je suis assez curieux d'entendre cette réponse sortie de vos bases de données, mon cher Bits. Oh oui, elle va bien sortir ma réponse, tu vas voir. Il s'agit tout simplement bien Chris à la bonne réponse, enfin la bonne réponse est le plus proche en tout cas car cette voiture a atteint une vitesse de pointe de 447 km/h. Donc on est plus proche avec ces 398 que les 747 de Monsieur Yanda. J'avais quand même deux chiffres sur trois de bien positionnés. Voilà. Je serais presque prêt à vous accorder le point parce que vous m'êtes en plus extrêmement sympathique. Mais du coup, c'est quoi? C'est une voiture spéciale ou c'est une voiture genre de route ou un truc Enfin, je me doute bien que c'est pas. Non, c'est pas juste un dragster. Elle peut tourner par exemple ou c'est une voiture vraiment faite pour. Alors, c'est une voiture. On va passer à la question suivante. C'est un petit monospace familial classique. Le mec a juste accéléré un peu fort, c'est tout. D'ailleurs, cette histoire me rappelle ce mécano couvert d'huile de vidange qui m'a littéralement démonté dans un garage du Havre. Que de bons souvenirs. On a juste été dérangé un moment par un mec qui est parti chier dans le glory hole qu'on avait installé, mais ça, c'est une autre histoire. Troisième question. La voiture immatriculée. Et puis, vous savez quoi, je suis beaucoup trop excitée. Je vais plutôt vous poser des questions sur mes attirances sexuelles préférées. Je vous pose donc la question, qu'est-ce que l'exobiophilie? Tu es attiré par les insectes, non? Ou les... je sais pas, non? Les extraterrestres. Les extraterrestres pour Matt et pour Yanda. L'exobiophilie, c'est ça? L'exobiophilie. Eh bien, je dirais l'attirance pour les machines. Non, absolument pas. C'est Matt qui a raison. C'est l'attirance pour les aliens. Moi, je sais pas vous, mais moi, je me mettrais bien un petit coup de sang-plomb à E.T. Hein. J'aimerais tellement profiter de ces doigts magiques là. Formidable. J'ai une autre attirance. Il peut t'allumer de l'intérieur avec son doigt E.T. Oh, c'est quand même dingue, quoi. Il peut bien checker tout mon moteur. Sinon, je suis aussi acrotomophile. Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est? Acrotomophile? Oh oui. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec le scrotum? Non, rien à voir, on sait pas. Avec l'acrobranche? L'acrobranche en moto. C'est ce qu'aime faire de l'acrobranche en moto. Alors, nous avons... j'ai entendu le scrotum, un rapport au scrotum pour Matt, peut-être, c'est ça? Ouais, j'aime bien, ça sonne bien. Très bien. L'acrobranche pour Chris? Ouais, il n'y a qu'à dire ça. Allez, allons-y. Et pour Monsieur Yanda? Je ne sais pas. Je ne sais pas, j'avoue. Mais enfin... Non, mais donne une réponse, Yanda, arrête. C'est facile de dire je ne sais pas et de ne pas jouer au concours, c'est bon, quoi. Je sèche. Désolé. Enfin, bien sûr, c'est l'attirance pour les personnes amputées. Enfin, quand même. L'acrotomophilie. Mais oui, bien sûr. Attendez, je dois parler à mon chauffeur. Michael, arrête de frotter tes fesses contre mon levier de vitesse, ça m'excite, merci. Question suivante. Hey, Bit, cette voix, c'est insupportable, il faut que tu le saches. Mais c'est la technologie des années 80, comme ça. Ah oui, c'est ça. Exactement. Sachez que je n'entends pas ma propre voix comme beaucoup de monde, donc je ne sais pas à quel point je suis horripilant. Qu'est-ce que la nécrodendrophilie? Il y a un rapport à la mort, ça c'est sûr, mais... C'est quand tu aimes uniquement les cadavres de personnes androgynes. Alors, il faut que j'analyse cette réponse. D'accord, les cadavres de... D'accord, très bien. Nécro-andro. D'accord. Tu sais pas, tu aimes faire l'amour à des gens qui sont morts et c'est toi qui les as tués. C'est horrible. Quelle étrange passion. Tu aimes faire l'amour aux plaies mortelles des gens que tu as tués. Mais c'est pas impossible en plus, non, ça doit exister, ça, je pense. Quelle horreur. Je sens que Monsieur Yanda est inspiré. Ouais, je serais plus parti sur une attirance pour les cadavres, mais de larves ou de fœtus. Bon appétit. Vous êtes extrêmement tordu, ça me fait plaisir. Ça me rend tout chose. Eh bien, écoutez, il y avait bien une question de mort, mais il s'agit des arbres, une attirance pour les arbres morts. Je sais pas si vous avez des exemples d'arbres morts qui vous attirent, mais moi, j'aimerais bien avoir Valéry Giscard d'Estaing dans mon plumard. Vous êtes de la même époque, en plus. Ah oui, absolument. Il est peut-être un petit peu plus vieux. Je crois qu'il a... Lui, il a vu la naissance de la première voiture, là, cette petite... Dernière question. Comment appelle-t-on les gens attirés par les voitures? Et attirés par moi, en l'occurrence. Des pots d'échappementophiles? Des carottophiles. Carottophiles, ça c'est... Non, des automophiles? Je sais pas. Eh ben, on s'en rapproche un peu, mais ce sont tout simplement des mécanophiles, bien sûr. Ah oui. Eh oui, ah, des gens qui... Ah ben, tout simplement. Mais ils aiment tout type de mécanique ou uniquement les voitures alors? Apparemment, ça ne s'adresse qu'aux véhicules motorisés à quatre roues de type voiture. Donc c'est-à-dire qu'il y aurait un terme spécifique pour les gens qui ont une attirance sexuelle pour les hélicoptères par exemple, ce serait pas le même. Et j'imagine que ce serait peut-être les héliomécanophiles, je ne sais pas, ouais, peut-être, je ne sais pas. Je ferai une recherche dans ma base de données une fois que je me serai purgé de mes pulsions parce que... C'est moi, dommage que Valentin soit pas là, il avait l'habitude de fact-checker ce genre de questions, oui, c'est vraiment dommage. J'ai dû pirater sa connexion, excusez-moi. Du coup, bah, bravo à vous, nous sommes à une égalité entre Matt et Chris avec un point. Dès que c'est des déviances sexuelles, on est toujours Chris et moi. Voilà, donc voilà, moi j'en peux plus, je vais me faire sauter le joint de culasse derrière le drive-in, et puis bah, je vous dis à bientôt, j'espère. Hein. Allez, Mickaël, viens par là. Merci, Bit. Merci Bit, c'était un plaisir de t'avoir. Oh là là, Valentin. Allô, a encore raté ça. Ouais. Allô. Valentin, ça va? Ben tu, oui. T'as figé là, ta cam marchait plus? Ben ouais, c'est, j'ai redémarré l'ordi trois fois, je sais pas trop ce qui s'est passé, ça me saoule un peu. C'est peut-être la mise à jour de tout à l'heure, je sais pas. Ah oui, t'as mise à jour Windows? Ouais. C'est dommage, on parlait cinéma, t'aurais pu intervenir. Mais ah merde. Cool. Ah merde. Ouais. Cool. Mais du coup, on va devoir passer au prochain sujet par contre, parce que bah, tu sais, le temps file quoi. Ouais, bah je réécouterai, hein, tant pis, hein, je réécouterai l'émission, ouais. C'est pas grave. Ouais, c'était intéressant, en plus t'as vraiment raté un truc. Merde, bah c'est pas grave. Tant pis. Du coup, on voulait parler de Zelda après, peut-être tu connais Zelda, toi, t'as des choses à... Zelda, ouais, moi je connais surtout les versions 3D, et je sais que nos avis divergent là-dessus un peu. Ah oui, les mauvaises. Voilà. Moi, j'ai découvert Zelda avec Ocarina of Time, et après j'ai fait tous les Zelda en 3D jusqu'à bah, Breath of the Wild. Le dernier sorti, et je réfléchis, si du coup j'ai fait le remake de Link's Awakening là, qui est sorti il n'y a pas longtemps sur Switch, c'était très bien, mais je reste fan des Zelda en 3D, à commencer par Majora's Mask qui a une aura très très particulière pour moi, et même dans la série des Zelda en général. Une mage aura. Oh, po. C'est bon ça. C'est bon. Visiblement. Pardon, je suis navré. Excusez-moi. Ouais, non. Donc Majora's Mask qui est calqué sur le moteur de Ocarina of Time. Donc Ocarina of Time sorti, si je dis pas de bêtises, en 97. Je vais aller fact-checker ça tout de suite. Ocarina of Time 98 sur N64. Voilà, exactement. Et ensuite 2 ans plus tard, si je dis pas de bêtises. En effet. comment Majora's Mask, qui donc fonctionne sur le même moteur qu'Ocarina of Time, en un peu plus poussé, puisqu'il fallait upgrader sa console avec l'expansion pack, qui était une petite cartouche que tu branchais directement dans la console pour pouvoir lui donner des performances supplémentaires et donc faire tourner Majora's Mask, qui avait des effets visuels un peu plus poussés que dans Ocarina of Time. Et surtout, qui avait Majora's Mask avait un principe de jeu hyper cool, qui était que en fait l'aventure se déroule sur 3 jours et que tu ne peux pas tout accomplir en 3 jours et donc tu es obligé de remonter le temps pour accomplir, finir les quêtes et avancer dans l'histoire. Et, The Marmot Day, oui. Exactement. C'est tout à fait ça, le jour de la marmotte. Alors là, c'est le jour d'une fête, je sais plus laquelle. Il y a une fête qui se prépare et au bout des 3 jours, la fête doit avoir lieu. Sauf que au bout des 3 jours, malheureusement, il y a la lune qui s'écrase sur le monde Termina, donc là où se déroule l'aventure. Et donc pour pas que la lune s'écrase, il faut remonter le temps pour devenir de plus en plus fort et pouvoir combattre les forces du mal avec toutes les compétences et les pouvoirs dont on a besoin. Et... Alors attendez, j'ai une question tout de suite qui m'interpelle et qui m'interloque. Elle te turlupine, tu veux dire ? Et elle me turlupine également. Ouais. Majora's Mask, que je n'ai pas fait, du coup, ne se déroule pas en Hyrule ? Non. Link s'en va. S'en va d'Hyrule à la fin de... Enfin, juste après Ocarina of Time, en enfant, ah, okay, il est enfant, d'accord. Et c'est ça, okay. Il se casse d'Hyrule, et en fait, ils ont trouvé une astuce, Link tombe dans une espèce de monde parallèle, donc Termina, et c'est pour ça qu'en fait, ça permettait aussi aux développeurs de pas trop se faire chier à recréer des personnages. Tous les personnages que tu vois dans Majora's Mask sont les personnages d'Ocarina of Time, mais avec des rôles un peu différents. C'est comme Sliders, en fait, la série Sliders, les univers parallèles, série de fin 90, fin des années 90, où en fait tu as ton double dans chaque dimension. Et ben là, c'est un peu pareil, tu as le double de tous les personnages que tu rencontres dans Ocarina of Time, qui ont des rôles différents, des attitudes différentes, mais qui ont le même visage, en gros, voilà. Et bien, laissez-moi vous dire, monsieur Vepour, que pour citer un grand personnage que l'on nomme René, le fait que Majora's Mask ne se passe pas en Hyrule, je n'ai qu'une chose à dire, c'est honteux. C'est voilà, honteux. Honteux. C'est d'autant vraiment... plus honteux que ça s'appelle Zelda et que Zelda, on la voit une fois au début quand elle te... dans un flashback pour te dire qu'elle t'a filé l'ocarina et on ne la revoit plus jamais dans le jeu après. Donc. La légende de Zelda, oui, mais pas tellement. Donc, c'est pour ça que ça avait froissé pas mal de gens à l'époque. Moi, perso, j'en ai pas grand-chose à faire parce que la mécanique de jeu est mortelle. Et au-delà des 3 jours, il y a une autre mécanique qui s'ajoute à ça, la mécanique des masques, où en fait, il y a une quinzaine ou une vingtaine de masques qui t'offrent des pouvoirs différents et dont certains d'entre eux, 3 ou 4 d'entre eux te permettent de te changer en différentes créatures de différents... En Goron, peuples, par exemple. En Goron, par exemple, en Zora, ou en Peste Mojo. Et chacun avec son gameplay, son instrument de musique aussi. Il y a une quête trop trop bien à faire avec des... où tu dois combiner les instruments et tout. Enfin, c'est du génie sur plein de points, ce jeu-là. Et il a eu droit à un remake sur 3DS. Eh bien, et on va revenir sur l'histoire de la saga derrière, puisque j'ai fait mes devoirs et j'ai joué à beaucoup de Zelda pour préparer cette émission depuis les 15 derniers jours, et je n'avais jamais fait Majora's Mask, puisque j'étais contre la N64 quand elle est sortie, parce que j'étais jeune et con. Contre, c'est pas clair. Là, c'est la guerre des consoles pur jus, là. La guerre des consoles. Mega Drive ou Super NES. Extreme G, c'est vraiment dommage, quoi. Oh, Extreme G, putain. Et du coup, j'étais complètement passé à côté de ce jeu. Et quand j'avais vu que c'était un principe qui se passait dans une boucle temporelle qui faisait un truc en 3 jours, ça m'intéressait. J'ai essayé de le faire une fois, deux fois sur émulateur, ça marchait pas bien. Et puis, quand il a été porté à ma connaissance que le jeu existait sur 3DS, je me suis procuré cette console il y a peu. Hein. J'ai acheté une 3DS il y a 2 mois, je pense, juste au début du confinement. Et du coup, j'ai pu faire Ocarina of Time et Majora's Mask. J'avais très envie de faire Majora's Mask, mais j'ai quand même fait Ocarina avant, car j'avais bien compris qu'il y avait un lien historique entre les deux et que c'était important de faire les deux. Et on peut pas dire que j'ai kiffé. pour être un peu direct, ça m'a pas plus intéressé que ça. Il y a plein de mécaniques qui m'ont un peu gavé. J'étais pas très à l'aise avec le jeu. Et du coup, je me suis quand même forcé à finir Ocarina of Time. Et je suis arrivé à Majora's Mask. La partie dans le village avec les trois jours et comment est-ce que tu refais la boucle temporelle pour optimiser tes journées et faire un perfect day, ça m'intéresse beaucoup et ça m'amuse. En revanche, il y a une partie où il faut se faire des châteaux parce que c'est un Zelda et je suis je suis bloqué au deuxième château où il y a une tour de glace qu'il faut faire s'écrouler dans un certain sens et puis si tu t'es trompé de sens, la faire repousser, ce genre de choses, tout en sachant que t'es limité à 3 jours et que donc si tu mets trop de temps, bah, il faut que tu relances ta boucle temporelle et donc que tu recommences le château à zéro. Et franchement, ça m'agace et j'ai pas du tout envie de me retaper un troisième run dans ce château. Et je suis bloqué là avec la cartouche qui est au bout du canapé qui me regarde un peu comme ça du coin de l'œil en disant alors tu vas me brancher. Puis moi je la regarde, je dis ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Eh ben, ouais, c'est fragile. On est dans la provoque, quoi. Et je suis bloqué là, parce que j'ai pas envie d'affronter en fait le fait de devoir. Respawn et de devoir me retaper complètement ce château là quoi. Et du coup c'est cette mécanique qui me paraissait être hyper enrichissante et amusante pour trouver la faille pour faire le fameux perfect day et accomplir le maximum de quêtes dans une journée, et bah devient pour moi une faiblesse du jeu quand elle t'oblige à te retaper les châteaux parce que t'as été trop lent à résoudre une énigme. Je comprends. C'est peut-être un peu vieilli, les énigmes et les donjons ont peut-être un peu vieilli et souffrent peut-être de l'épreuve du temps. Après, bon, moi j'ai découvert le jeu à sa sortie, j'avais 10 ans et j'étais comme un petit foufou. On n'avait pas internet encore, hein, donc, internet venait juste d'arriver. Donc, du coup, les seules images qu'on avait c'était dans les magazines et des trucs comme ça. Donc, il y avait beaucoup d'interrogations sur ce qu'allait être le jeu et tout ça. Donc, une fois pour que les tu l'as dans moins les mains... de pour les moins de 15 ans qui nous écoutent, peux-tu expliquer ce que c'est qu'un magazine? Oui, alors c'est en fait, vous voyez quand vous touchez l'écran et que vous allez de droite à gauche et ça change d'écran, ça change de page, et ben en fait, les pages à la base c'est du physique, ce sont des petites feuilles de papier et que quand on glisse le doigt de la même manière, et ben la page en 3D se tourne physiquement. Donc c'est très joli, c'est mieux à voir que sur un écran. Par contre, c'est limité puisque du coup, il n'y a qu'un certain nombre de pages, limité au nombre de pages du magazine. Chris, t'as fait Majora's Mask ? C'est un fichier PDF en fait qui est imprimé. C'est un fichier PDF papier avec des agrafes. Ouais, j'ai fait Majora's Mask. J'étais moi un fervent défenseur de la N64. On aura sûrement l'occasion d'en reparler un jour. Cette magnifique cartouche, hein, cet objet de culte. Bien sûr. Et puis, Majora's Mask en fesse. Majora's Mask en fesse. J'adore l'ambiance. J'adore le système. Mais c'est pareil, c'est pas du tout mon Zelda préféré dans sa jouabilité, dans ses quêtes, etc. Moi, j'ai découvert Zelda un petit peu avant, même quelques années avant, sur Super Nintendo avec Link to the Past, puis ensuite surtout sur Game Boy avec Link's Awakening que j'ai saigné dans tous les sens, que j'ai refait en version Game Boy Color. Jeu ensuite... qui se passe pas sur Hyrule, hein, il faut le dire. Tout à fait, et dans lequel on ne voit pas Zelda non plus d'ailleurs. Putain, dans Link's Awakening. Qu'est-ce que c'est que ces jeux? moi je suis un fervent adepte des Zelda en 2D plus qu'en 3D, même si j'aimais beaucoup Ocarina of Time et tout, enfin c'était des jeux très très bons, surtout quand ils sont sortis où il y avait effectivement une richesse assez énorme, mais encore aujourd'hui je suis un gros fan des jeux en 2D, notamment tous les jeux sur Game Boy. Il y avait ensuite Oracle of Ages et of Season qui étaient très sympas aussi, qui marchaient de pair un peu comme les deux jeux Pokémon, et les suites sur Game Boy Advance aussi qui étaient pas trop mal. Donc je suis plutôt un joueur de Zelda en 2D, c'est pour moi ça fait partie des sagas mythiques, tu vois, et j'ai effectivement la version Switch aussi que j'ai commencé, mais je me suis pas, j'ai un peu de mal en 3D, tu vois, j'ai du mal à continuer, j'ai du mal à, il y a plein de trucs qui pour moi marchent super bien dans les Switch, Zelda 2D. Tu parles de Awakening ou tu parles de Breath of the Wild? Non, de Breath of the Wild, pas du portage. J'ai plus de mal à me plonger dans les Zelda en 3D. Je sais pas pourquoi, je peux pas t'expliquer. Je kiffe la vue de haut en 2D, c'est un truc qui m'accroche tout de suite. Voilà. Zelda, Yanda, il est en train de créer de nouvelles générations de fans de Zelda. Ouais, Ouais, moi je suis plus. Alors pour le coup, je vais être un peu plus team V pour Valentin. Parce que je suis assez fan et je suis même plus fan des Zelda 3D que des Zelda 2D. J'en ai pas fait beaucoup. On n'entend plus Yanda, c'est marrant, il y a comme un. La régie, s'il vous plaît, la régie. Parce que en fait, Ocarina of Time m'a mis une telle baffe. À plein de niveaux différents et aussi sur le passage à la 3D. C'est le premier Zelda que j'ai terminé. J'en avais commencé avant un en 2D, je ne me souviens même plus du nom et je l'avais pas fini parce que saoulé. Mais Ocarina of Time, je l'ai vraiment retourné et j'en garde un excellent souvenir. J'ai longtemps hésité à le prendre en premier, en tout cas la version du coup 3DS pour faire découvrir à mon fils, qui m'avait demandé, parce que justement lui jouait à Smash Bros et il aime bien le personnage de Link dans Smash Bros, et quand je lui ai dit tu sais qu'il a des jeux où il est tout seul et c'est des jeux d'aventure et en plus il en a entendu parler à l'école, il m'a dit oh Zelda ça a l'air trop bien, et du coup j'ai, avant de m'emporter dans mon fanboyisme et de lui prendre Ocarina of Time, je me suis retourné vers un groupe de connaisseurs, vous en avez peut-être entendu parler, ils animent un podcast de qualité qu'on appelle l'Estaminerd, en demandant leur avis, et vous avez tous été à peu près unanimes en me disant que Zelda Link Between Worlds était un bon point d'entrée dans la saga. Et donc je lui ai acheté et offert il y a peu. Il en est encore à ses débuts, je crois qu'il a dû jouer 2 heures et demie dessus. Il est au deuxième donjon là actuellement et il est complètement absorbé par le truc, par les, alors la mécanique de jeu. Il a vachement plus la mécanique de jeu, c'est que Link peut devenir un graffiti pour s'aplatir contre les murs et passer dans des espaces où il pourrait pas passer. Il se transforme en ACAB écrit sur le mur et du coup il peut se diriger dans les donjons comme ça. Merci. Et du coup, il a eu beaucoup plus vite que moi le réflexe de quand on arrive à un endroit et qu'on coince, je réfléchis et en fait lui hyper rapidement me dit ah mais non mais regarde clac hop, et on fait ça et il se fout effectivement en peinture, il fait le tour avec les murs et tout, qui est une mécanique de jeu que j'ai trouvé hyper maligne pour le coup, très intéressante et il a percuté très vite, et puis même au niveau de l'histoire, même si c'est pas sur celui-là d'après ce que j'en ai déduit, mais on en est au tout début de ce que j'ai suivi quand il l'a fait, c'est pas Ganondorf la grande menace, exact, en tout cas présente. On reviendra après, j'imagine, sur le personnage de Ganondorf quand vous expliquerez un petit peu la mythologie et l'histoire de cette licence. Mais voilà, en tout cas, le jeu est très cool. Il a vachement accroché à l'histoire, aux mécaniques, au système de jeu et à l'univers, on va dire. Donc, à voir sur la suite comment ça va se développer. Mais de toute façon, voilà, s'il accroche Ocarina of Time, ça sera son deuxième jeu. Et puis, s'il aime pas Ocarina of Time, je le déshérite. Et du coup, tu peux poursuivre sur, parce que c'est la suite directe de A Link to the Past, en fait, le Zelda de Super NES. Donc, c'est la même map et tout genre de choses. Donc, il peut reprendre sur ce Zelda-là derrière s'il a kiffé cet univers. Très bien. Je note. Je prends des notes. Vous avez des liens d'affiliés ou code créateur pour les Zelda? Ouais, mais c'est que chez Micromania, donc c'est pas très avantageux. Je fais une petite parenthèse parce que j'y pense là. J'ai une anecdote sur. Ouais, bon, on s'en fout, ça nous intéresse pas. Bon alors, Yanda, sinon ton fils. Ça va aller assez vite, je vous rassure. Et puis, je sais qu'on va en reparler dans un prochain épisode. J'ai une anecdote liée à ma phobie. J'ai la phobie des araignées. Je suis arachnophobe. Et oui. Ah et bon il se trouve que dans que Ocarina of Time, en fait, a réveillé un peu cette phobie-là, et du coup, j'ai plus joué au jeu pendant plusieurs semaines pour pouvoir m'en remettre, parce que donc j'avais quoi, 8-9 ans, je jouais au jeu, et en fait, il y a pas mal d'araignées hein, avec des têtes de mort et tout ça dans Zelda, notamment Ocarina of Time. Mais puis elles tombent du plafond alors qu'on ne sait pas qu'elles sont là, et d'un seul coup, exactement, elles te tombent dessus, elles t'attaquent. Voilà, donc moi j'étais jamais trop. Elles sont résistantes en plus, elles restent accrochées au plafond et tout. T'imagines, ça arriverait dans la vraie vie, ce serait vraiment infernal et insupportable, mais on en reparlera de ça. Mais il n'y a pas que des araignées, il y a aussi des choses qui ressemblent à des araignées qui sont des mains qui s'accroche au plafond et qui te tombe dessus, qui t'agrippe et qui t'emporte dans le lointain. Et il se trouve que dans un des donjons, je ne connaissais pas encore ces créatures qui ressemblent un peu quand même à des araignées, qui grouillent et tout ça, et qui sont pas très très jolies à regarder. Et en fait, le seul moyen de les apercevoir, c'est que tu vois ton ombre grandir, parce qu'elle tombe sur toi, en fait. Donc tu vois l'ombre qui est sous toi qui grandit, et là tu te dis, ah tiens, je vais me faire attaquer par une de ces sales bêtes et tout ça. Donc tu peux te préparer. Sauf que quand t'es pas au courant, moi j'ai eu un réflexe très malheureux et très nul, et qui donc m'a fait éteindre la console et partir en courant, et je n'ai plus retouché à Ocarina of Time pendant quelques semaines. C'est qu'en fait, je me suis mis en vue à la première personne, et j'ai levé la tête. Et donc du coup, j'ai vu cette espèce d'énorme truc me sauter à la figure, et j'étais tellement pas prêt que j'ai failli mourir d'une crise cardiaque à l'âge de 8-9 ans. Voilà, c'était ma petite anecdote phobie. J'ai jamais eu aussi peur devant un jeu vidéo. Le mec est pas prêt pour Dead Space. j'ai essayé ça, Dead Space. Ça va. Mais avec des bières et un pote à côté, ça passe mieux. Ouais. Bon, bah, passe à Skyrim VR avec les araignées. Tu as kiffé. Ah. Alors, moi, j'ai bien fait mes devoirs, d'abord parce que je suis assez vieux pour avoir connu Zelda 1 sur NES au moment où genre c'était un peu cool. Pour avoir connu Hyrule en vrai. Et surtout, j'ai fait mes devoirs, regardez, ça c'est la liste des jeux Zelda, ceux qui sont en rose, c'est ceux que j'ai au moins commencé. Donc t'as au moins joué à la moitié des jeux Zelda du coup. Ouais. Là j'ai refait il y a 10 jours maintenant The Legend of Zelda sur NES, dont j'étais assez surpris, puisque j'ai pas dû y jouer franchement depuis... 94, un truc comme ça. Et je m'en souvenais hyper bien. À tel point que j'ai pas vraiment galéré pour finir le jeu et que ça se torche en 5-6 heures, en fait, quand tu galères pas pour retrouver les donjons et que tu sais à peu près où creuser. Et ce qui m'a beaucoup surpris, c'est qu'en fait, tous les éléments du jeu sont déjà là. Il y a des boss que tu vas retrouver plus tard, il y a les mécaniques, il y a plein de types de créatures, il y a déjà un rapport avec la musique qui est là. Il y a énormément de choses en fait dans ce monde de Hyrule qui va définir en fait tout le reste de la saga et qui sont déjà posées dès le premier Zelda sur NES. Et franchement, bon, il y a peut-être un peu de nostalgie de ma part, mais je suis rétro gamer dans le sens où j'aime bien rejouer aujourd'hui au jeu auquel je jouais quand j'avais 15 ans, mais découvrir aujourd'hui des vieux jeux, ça m'excite pas plus que ça. Et du coup, la mécanique du jeu fonctionne plutôt pas mal et ça marche encore comme jeu, quoi. Et les quêtes, les donjons, tout ça marche bien. Alors, il y a une petite truanderie, c'est qu'en fait, les clés fonctionnent dans d'autres châteaux. Et que dans le palais de Ganon, il n'y a pas assez de clés pour tout passer. Il faut que tu prennes des clés d'autres châteaux ou que tu ailles en acheter pour pouvoir passer le palais de Ganon. Donc voilà, avant de vous perdre dans la montagne, achetez des clés, les enfants. C'est important. Je me suis envoyé Zelda 2 derrière. Et alors pour le coup, Zelda 2, ça a très très très mal vieilli. Ça a essayé d'instituer... Sur NES aussi. Hein. Sur NES aussi, ouais. Ça a essayé de mettre de nouvelles choses. Il y a un système de points d'expérience. Quand tu pètes des monstres, tu gagnes de l'XP et tu peux faire augmenter soit tes pouvoirs magiques, soit ta vie, soit ton attaque. Les châteaux sont vus de profil avec une vue qui ressemble beaucoup à Metroid, dont on a déjà parlé. Et notamment, c'est les mêmes designs d'ascenseurs. Mais c'est pas... Enfin, c'est copié, c'est les mêmes designs d'ascenseurs. Donc il y a un vrai aspect Metroid dans le truc. Et il y a un problème dans la gestion des combats qui est pas du tout agréable, où en fait il faut que tu réussisses à mettre des coups d'épée sur des soldats derrière leur bouclier, et un coup ils vont mettre leur bouclier en haut, un coup en bas, donc c'est à toi d'appuyer sur bas attaque ou juste attaque pour mettre un coup soit en haut soit en bas. Et ce système là de mécanique est assez aléatoire. Et ce qui fait que ça rend pas du tout les combats agréables. Et si en plus tu le joues sur un système d'émulation où il y a du quick save, tu te rends compte en refaisant tes combats, tu perds dans un château, tu fais un quick save, tu reprends ton combat, tu te rends compte à quel point le truc est en fait aléatoire et méga punitif. Et franchement, si je l'avais fait dans les vraies conditions du jeu où tu peux pas sauvegarder, où tu dois reprendre ton château parce que tu te fais péter par un soldat, parce que t'es pris dans un couloir avec une boule qui t'écrase ou des trucs comme ça, mais j'aurais rage quit, mais de façon honteuse, quoi. Enfin, franchement, j'aurais pas dépassé le premier château, quoi. Il y a le système de château, j'ai trouvé hyper punitif. C'est les mauvais jeux d'aventure profil de la NES, quoi. Et puis, eh bah, évidemment, après, j'ai refait Zelda Link to the Past, le Zelda de la Super NES. J'ai fait Zelda Link's Awakening en version Game Boy. Je l'avais fait en version Switch il n'y a pas très longtemps. Je ne l'ai pas fait en version GB couleur. Je ne sais pas si ça change des trucs, la version Link's Awakening DX. Ouais, en fait, en couleur, tu as un donjon supplémentaire qui existe du coup sur la version Switch. Il est sur la version Switch aussi. C'est un donjon caché dans le cimetière. Je vous spoil un peu. Tu as un donjon qui est caché sous une pierre tombale dans le cimetière qui n'existait pas dans la version noir et blanc, qui existe dans la version Game Boy Color, effectivement. Et du coup, il est basé sur les couleurs, d'où son absence forcément de la version noir et blanc. Oui, donc je l'ai fait sur Switch. Mais du coup, bah, moi, je vais être obligé de le refaire sur GBC. Hein. C'est normal, il faut être complétiste. J'ai fait du coup les deux versions. Alors, les versions Ocarina of Time et Majora's Mask, je ne les ai pas fait sur N64, mais sur 3DS, évidemment. Voilà, là je suis dans Oracles of Ages et Oracles of Seasons. Oracles of Seasons, c'est assez marrant, donc c'est un jeu Game Boy Color. C'est assez marrant parce qu'en fait, ça reprend énormément d'éléments du premier Zelda. Notamment quand tu vas brûler un arbre ou péter une pierre pour trouver une grotte, t'as une chance sur deux que ce soit un vieux qui te donne du fric, ou alors que ce soit un vieux qui te dise « Attends !» paye pour réparer la porte, donc tu peux avoir un système punitif, et ça tu le retrouves dans Oracles of Seasons, et tu retrouves aussi dans le château, c'est le même premier boss pour le premier château, c'est le même dragon qu'il faut battre de la même façon, donc il y a des trucs comme ça un peu rigolos. J'ai pas fait Force World sur GBA, j'ai pas fait Wind Walker, j'ai pas fait Force World Adventure sur Gamecube, j'ai fait Minish Cap sur Game Boy Advance que j'avais bien aimé, que je trouvais très cool, et pour les enfants Minish Cap ça marche bien, c'est vraiment Zelda chez les Minimoy, hein. C'est tu peux devenir petit et tout. Et puis là je viens de faire Phantom Hourglass sur DS, où du coup ça se joue au stylet, ça fait partie de ces jeux qui sont très démonstration technique, regardez on peut jouer à Zelda différemment avec le stylet, et bah c'est pas bien, hein. On va pas retortiller, c'est pas bien, c'est relou, le système de déplacement sur les cartes est relou et tout. J'avais fait Spirit Tracks il y a longtemps et ça m'avait laissé le même... Spirit Tracks, ouais, qui est la suite de Phantom Hourglass, du coup. Phantom Hourglass, t'es un pirate, il faut que tu te déplaces sur une carte des mers qu'il faut que tu réussisses à ouvrir pour aller dîner dans l'île, et Spirit Tracks, qu'il faut que tu te déplaces en train et que tu réussisses à ouvrir les bons aiguillages pour pouvoir passer. Et c'est pareil, c'est le truc au stylet, bon, je pense que ça fait partie de ces trucs un peu démonstration technique, ça... mal vieilli en fait dans le gameplay. C'est un peu le souci de certains jeux Nintendo, comme ils ont développé des consoles comme la DS ou la Wii qui de base ont des systèmes de jeu très particuliers, que ça soit le côté mouvement de la Wii ou le côté stylé de la DS, ou même les deux écrans de la 3DS, c'est des jeux qui sont aussi assez fermés finalement dans une époque et dans un système. Lorsqu'on y joue, quand ça sort, c'est l'actualité, donc je pense que ça choque pas trop. Mais quand tu y reviens quelques années après, ça peut sembler un peu vieillot, quoi. Genre aujourd'hui, le système de la Wiimote, etc., je suis pas sûr que ça ait vraiment bien vieilli en comparaison des systèmes actuels. Faudrait que je rejoue à Skyward Sword, qui est le dernier jeu Zelda sorti sur Wii, avec le Wii Motion Plus, donc c'est les capacités de la Wii, mais augmenté aussi, pareil, plus précis. Je pense effectivement que ça a mal vieilli, faudrait que j'y rejoue, mais de toute façon c'est... Du coup tu mets des coups d'épée en secouant tes Wiimote. C'est ça, tu en secouant ta Wiimote, et en fait tu pouvais le faire déjà dans Twilight Princess, sauf que c'était pas forcément précis, juste tu secouais, ça donnait un coup à peu près dans la direction que tu voulais, mais juste en latéral, en horizontal ou en vertical, et en fait dans Skyward Sword ça suit vraiment, vraiment précisément le mouvement de ta main, et donc tu dois battre certains boss comme ça en mettant un coup d'épée vraiment dans une direction précise, parce qu'il est en train de parer, enfin l'ennemi en train de parer dans une autre direction, donc c'était intéressant, enfin moi j'avais trouvé ça assez intéressant, mais le jeu est un peu long et se renouvelle pas trop au niveau des donjons et tout ça, donc du coup c'est pas mon Zelda préféré, c'est sans doute celui que j'aime le moins des Zelda 3D. Après ça reste bon, hein. Il y a aucun Zelda, enfin de ceux que j'ai joué, qui est mauvais ou dans lequel je me suis fait chier ou voilà, ou donc il y a aussi une atmosphère assez sympa dans Skyward Sword, mais il est pas assez abouti sur pas mal de points, je trouve. Notamment au niveau de l'univers, ça fait un peu vide, un peu mort, je trouve, c'est un peu dommage. Une fois que t'as fini, t'as pas forcément envie d'y retourner, quoi. Et dans ces trucs de jeux fermés, pour moi, Phantom Hourglass, le jeu de 2007 sur Nintendo DS, c'est le jeu de la défaite, parce que pour faire ce jeu, j'ai dû regarder la Solus. Eh oui. Eh oui, parce qu'en fait, il y a une épreuve où il faut réussir à éteindre des bougies pour ouvrir un château, et moi je savais pas comment il fallait éteindre les bougies et tout. Et en fait, sur cette saleté de DS, il y a un micro. Ah et oui. Si tu souffles dans le micro, en fait, tu souffles dans le jeu. Et du coup, ton souffle peut interagir dans le jeu. Et il y a un ennemi, pareil, que tu peux pas battre. Et en fait, faut lui crier dessus pour qu'il se cache et que là, tu puisses le défoncer. Mais il faut que tu, du coup, tu cries chez toi. Tu vois, c'est... T'imagines, j'avais ça dans le métro? Dans le train, dans le TGV. et du coup, bah voilà, l'histoire du souffle, franchement, j'étais passé complètement j'avais pas fait gaffe qu'il y avait un micro et qu'il y avait du souffle sur la console. C'est la techno qui m'a bloqué, quoi, en fait. Après, on est complètement, tu vois, dans ce côté hyper interactif de Nintendo entre ces technologies parfois un peu test, on va dire, et puis des jeux qui servent effectivement à démontrer des trucs qui seront jamais réutilisés plus tard, ni sur une autre console, ni voilà, quoi. Ça fait un peu gadget, quoi, mais quand tu joues à ça à l'instant T, enfin, quand t'étais gamin, tu vois, oh, trop cool, je crie et le monstre, il se bloque, tu vois. Mais effectivement, quand tu reprends ça adulte et en plus, éventuellement sur un émulateur, bah, tu dis, mais c'est quoi cette techno de merde? Ça me fait chier, quoi. Et alors, du coup, Link Between Worlds, on en a parlé, que j'avais fait, du coup, qu'on a conseillé à Yanda. Et il y a deux jeux qui m'intriguent, c'est Triforce Heroes et Force World. C'est des jeux en multi, comment tu joues à ça en multi? Ouais, alors moi je les ai pas j'y ai pas joué, donc je pourrais pas te dire plus que ce que j'en sais, mais je sais que pour Force Words, du coup, tu pouvais connecter, t'avais un appareil pour connecter, un fil en gros, pour connecter deux Game Boy Advance, voire quatre ensemble, et du coup chaque joueur avait son Link d'une couleur différente, et du coup vous pouviez faire les donjons à 1, 2, 3 ou 4 personnes. Et du coup, tu pouvais porter, je crois que tu avais un système où tu pouvais porter les... Enfin, tu peux porter tes potes et puis les balancer en avant ou voilà, ce genre de choses. Après, je ne peux pas aller plus loin dans l'explication puisque, encore une fois, je n'y ai pas joué, malheureusement. Ouais, en fait, Force World, à la base, c'est un mode qu'ils avaient rajouté sur le portage de A Link to the Past sur Game Boy Advance. Et c'était plus une sorte de mini-jeu en bonus, tu vois. Et ensuite, effectivement, ils ont dû le dériver vraiment en jeu complet, auquel je n'ai pas joué. Mais à la base, ouais, c'est né comme une sorte de bonus pour justifier un portage sur Game Boy Advance en disant « On vous met ça en plus, donc c'est pas juste un portage, quoi. » Bon, alors qu'un portage, c'était bien, tu vois. Pouvoir rejouer à Link to the Past en version mobile, c'est cool. Et du coup, on arrive à Breath of the Wild, évidemment. La grosse tartine de Breath of the Wild. Majora's Mask a été mon Zelda préféré jusqu'à la sortie de Breath of the Wild. Il a été détrôné allègrement par cette claque. Je pensais pas qu'après 25 ans, 23, 24 ans de jeux vidéo, j'aurais pu encore avoir une claque pareille. Et en fait, si. Alors pourquoi 2017, c'est bien? Pourquoi c'est bien? Mais pourquoi c'est bien? Mais parce que jouer au jeu, vous verrez pourquoi c'est bien. Il y a pas à dire, n'importe quel mot ne pourra pas décrire aussi bien. Pourquoi c'est bien? Parce que c'est un super monde ouvert que tu peux faire une fois que t'as fini une espèce de phase de tuto de 3-4 heures en gros. Tu peux aller absolument où tu veux. Vraiment absolument où tu veux. Tu peux faire les donjons dans l'ordre que tu veux. Les sanctuaires aussi dans l'ordre que tu veux, les sanctuaires qui sont des casse-têtes à résoudre. Mais c'est pas juste ça, parce que des mondes ouverts ça existe, hein, y a pas de souci. C'est vraiment la direction artistique qui est assez folle. Y a une super vidéo, je pourrais pas vous retrouver le nom là, mais un français qui avait fait ça, qui expliquait pourquoi la direction artistique était fabuleuse dedans et te forçait, sans que tu t'en rendes compte, à la découverte et à toujours explorer plus loin. Et ça passe notamment au niveau des couleurs, en fait, avec ces sanctuaires qui brillent dans le jour et dans la nuit, mais que tu vois de très loin, parce qu'il y a plein de points dans Breath of the Wild où tu peux monter assez haut pour te repérer sur la map qui est assez gigantesque pour un Zelda, et où tu es toujours attiré par quelque chose, et c'est rarement punitif. La découverte n'est pas punitive. Après, les combats et comment tu appréhendes les ennemis, ça par contre, il faut que tu sois bien préparé, et le jeu aussi te force à ça, à te préparer et à jouer d'ingéniosité pour les battre, en attendant d'être plus fort. Mais pour ce qui est de la découverte, le jeu ne te pénalise jamais, et c'est vraiment une espèce d'exploration, de découverte d'un monde hyper beau, hyper coloré, à la Miyazaki, en fait. T'as vraiment l'impression d'être dans un animé de Miyazaki. C'est vraiment magnifique. Le jeu est splendide. La mécanique de jeu, le gameplay est formidable. Et en plus, il y a une histoire avec des personnages auxquels tu finis par t'attacher, alors qu'il y a très peu de vidéos pour les montrer, de scènes et tout ça, mais ça fait partie d'une ambiance, d'un truc qui fait que le jeu, moi, il m'a foutu vraiment sur le cul, quoi. Quand t'es dans le jeu, c'est vraiment l'enfer. Tu fais un sanctuaire, tu sors, tu vois un truc au loin, tu... Allez, ouais. Bon, allez, c'est le dernier, je vais chercher une noisette. Et puis là, je suis sûr qu'il y a une noisette, je vais la chercher, puis j'arrête. Et t'arrives à la noisette et tu vois qu'il y a un coffre qui brille quelque part. Bon, allez, je vais chercher le coffre et j'arrête. Et franchement, et là, à chaque fois que tu lèves les yeux, t'as une étoile filante qui tombe. Bah, je vais aller la chercher, je sais pas ce que c'est, ce truc et tout. Enfin, ouais. C'est rare, quoi, les étoiles filantes en plus. Enfin, franchement, quand j'y joue un peu le week-end, que je me fais des runs un peu longs, je passe sérieusement une demi-heure, trois quarts d'heure à dire allez, c'est le dernier, puis après j'arrête. Et t'es toujours attiré par autre chose, quoi, et tu reprends pour une demi-heure. Grave. Il faut pas que j'y joue, quoi. Je vais repartir dans une vibe, parce que là, ce que vous me dites, j'ai connu ça avec moult jeux. Le dernier en date que j'ai eu poncé comme il fallait, c'est Skyrim, quoi. Et c'est un peu la même, alors pas du tout le même univers et la même ambiance, mais cet encouragement et après du coup récompense à l'exploration. Enfin, typiquement Skyrim, quand tu démarres, t'es largué et puis tu fais ce que tu veux, tu vas où tu veux. Ah non, en plus il y a du jargon dans Skyrim. Quand il fallait trouver le jarl de machin, putain, laisse tomber, c'est quoi un jarl, quoi. Et puis personne te dit rien, c'est. Et tu vois, moi Skyrim, j'avais essayé un petit peu. Pardon. J'avais essayé un petit peu à sa sortie, j'avais pas trop accroché, et j'ai réessayé après avoir joué à Breath of the Wild en me disant, mais allez, c'est un monde ouvert aussi, c'est pas le même univers, mais il y a des points qui se rapprochent et tout ça. Pourquoi j'ai pas réussi à accrocher? Effectivement, même en y rejouant, j'ai pas accroché pareil. Je pense que c'est vraiment dû à deux choses, à l'atmosphère, à l'ambiance et vraiment à l'aspect visuel de Breath of the Wild, et aussi au gameplay que je trouve un peu plus souple dans Breath of the Wild. Oui, et c'est ce que j'allais dire. Trop Bethesda rigide dans Skyrim. Les Bethesda, c'est rigide. Hein. Et la narration aussi. Mais... Du coup, Breath of the Wild, c'est vachement plus souple, alors que dans Skyrim, t'es quand même pris dans une histoire. Oui, le fait, il y a certaines quêtes qui vont faire changer le monde aussi, puisque tu vas influer sur une guerre de territoire et donc tu vas faire avancer des alliances. Ce qui est intéressant aussi, mais c'est un autre. Mais oui, c'est vraiment. Mais pour le coup, c'est moins. Alors que Zelda, c'est tu t'avances et tu vas faire ton propre délire dans cet univers, quoi. Et essayer toi-même de comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que là, d'un seul coup, tu vas trouver des ruines d'un champ de bataille, et puis il y a des références tout le temps aux anciens Zelda. Moi, ce qui m'a marqué en refaisant beaucoup de Zelda là pour préparer tout ça, c'est que Breath of the Wild n'est pas un Zelda. Il y a les mécaniques qui ont fait le jeu et qui ont fait la célébrité du jeu ne sont pas là. Et aujourd'hui, c'est l'apothéose de la série, c'est ce qui va relancer la série. Je sais pas où on en est sur les rumeurs de Breath of the Wild 2 pour la fin de l'année, mais c'est ce qu'on a pu voir il y a quelques semaines. Mais techniquement, c'est un jeu en monde ouvert qui emprunte qui est grimé en Zelda, tu vois, sur lequel on a mis Merci, interromps-moi, vas-y, parce que j'arrive pas à me sortir de cette phrase. Tu vas pouvoir me le confirmer ou pas, du coup, Matt, vu que tu as rejoué au tout premier Zelda il y a pas longtemps. Miyamoto a dit que, en fait, Breath of the Wild, effectivement, malgré ses mécaniques novatrices pour un Zelda et tout ça, revenait entre guillemets aux bases, en mode où dans le premier Zelda, tu pouvais faire un peu pareil, en mode je vais où je veux, quand je veux, et on ne me prend pas par la main pour me dire où je dois aller, et voilà. Et donc il disait, mais ça, est-ce que c'est pas juste un argument marketing, il disait qu'en fait il revenait aux fondamentaux même s'il y avait de nouvelles mécaniques. Breath of the Wild, enfin parlons le premier Zelda, tu vois, comme quoi lapsus, quand tu commences, t'es sur un premier écran, tu ne sais pas ce que tu fous là, et tu peux commencer dès le premier écran, tu peux partir dans quatre directions différentes. Il y a trois de ces quatre directions, si tu pars, tu commences le jeu sans arme. Et donc, si tu prends pas la bonne direction, tu peux quand même commencer le jeu où t'as pas d'épée et tu dois te démerder avec ça, quoi. Et effectivement, dans le premier, c'est aussi un monde ouvert. La seule chose que tu dois à peu près réussir, c'est les faire, et encore t'es pas obligé, mais faire les donjons dans l'ordre. Tu peux attaquer directement le donjon 8, hein, c'est juste que les monstres seront un peu plus forts. Ah ouais, et que du coup, avec tes 3 cœurs, tu vas galérer. Et puis, il y a certains objets qui vont te permettre d'ouvrir certaines zones. Genre, si t'as pas la bougie pour allumer certains trucs, il y a des pièces qui sont dans le noir et que tu pourras pas passer, quoi. Mais oui, t'es quand même assez libre. Et effectivement, ça encourage à l'exploration. Moi, je sais qu'en retombant sur une grotte, vite fait, je suis tombé sur... Il y a 3 niveaux d'épée, en fait. Et du coup, tu peux choper l'épée niveau 2 dès la fin du deuxième château, ce qui t'aide beaucoup pour le déroulé de l'aventure, quoi. Et j'ai bugué parce que devant cette grotte qui va te donner à la deuxième épée, eh ben, il y a une sorte de centaure hein, qu'on appelle désormais les Linel. Et donc, dès Zelda oh, putain, en 86, il y a une créature qui pourrait être un Linel, en fait. Mais c'est comme ouf. Rien n'est nommé, c'est à toi de te faire ton histoire. Okay. Ce qui est ouf dans ce jeu, c'est que, en fait, pour le coup, il n'y a pas de texte. L'écran s'ouvre. Tu parles, non ? Ah bah, oui, ouais, t'as que les persos qui vont essayer de te vendre des trucs. Ouais. L'écran s'ouvre, tu peux aller voir un mec et le premier truc qu'il va te dire c'est dangereux de partir seul, prends ça. Alone, ouais. Et il te file une épée. Mais après, les autres mecs que tu vas croiser, soit c'est un mec dans une grotte qui va te dire donne ça à la vieille dame, ce qui te permettra de développer les potions de vie, ou alors c'est des commerçants qui vont essayer de te vendre des choses. Mais il n'y a jamais une ligne de texte. Tu sais genre pas des canapés. Il y a un mec à moi qui essaie de vendre un canapé. Non, il y a des mecs. Par contre, il y a des mecs qui tapent de la thune. Donc, c'est peut-être des vendeurs de canapés, tu vois. Mais en fait, je l'ai refait en démat, je l'ai refait en émulation. Donc, j'ai pu effectivement les livrets, les boîtes et tout. L'histoire devait être dans le livret, mais tu n'as aucune ligne de texte. On ne t'explique pas l'univers. Si tu reprends le jeu tel qu'il est aujourd'hui, là, enfin, je l'ai fait sur Recallbox par exemple, quand tu reprends le jeu comme ça. Tu sais pas ce que tu fous là, tu sais pas pourquoi tu collectes des triangles jaunes, tu sais pas qui est ce monstre machin, tu sais pas pourquoi t'es allé chercher cette princesse, tu sais juste pas ce que tu fous là quoi. Et voilà. Et du coup, bah tu peux aller n'importe où, puisque t'as pas d'ordre en fait. Tu peux aller visiter un peu tout ce que tu veux. Et t'as des zones qui seront bloquées. T'as les problèmes de forêt magique qu'il faut faire dans un certain sens. T'as les fameuses mains dont Valentin parlait qui te tombent dessus dans les châteaux pour te ramener au début. Voilà, t'as les Linel, t'as des débuts de Zora, t'as ces espèces de... Les Moblin, c'est ça le nom qu'ils ont maintenant ? Ouais, ouais, ouais. Les Facochères, là. Et ouais, ouais, c'est... Franchement, c'est assez... assez intéressant, quoi, à refaire. Excellent. Ah, ça donne envie de jouer au vieux jeu, les amis. Hein. Et grave. On n'a pas parlé trop de comment Wind Waker, qui parce qu'il y a aussi un aspect intéressant dans les Zelda, c'est que tu as des espèces de comment dire de phases graphiques. Je sais pas trop comment on pourrait appeler ça, mais t'as les Zelda un peu réalistes, on va dire, comme Ocarina of Time ou Twilight Princess. Et tu as Breath of the Wild qui est un peu un mix entre Ocarina of Time et Wind Waker puisque c'est du cel shading mais en pas trop poussé en mode cartoon. Et tu as donc Wind Waker, Phantom Hourglass et Spirit Tracks qui ont ce graphisme de dessin animé vraiment qui a fait criser beaucoup de monde quand Wind Waker est sorti en 2003 en mode mais c'est quoi, c'est pas un Zelda, c'est pas vrai, c'est moche, regardez, c'est tout. Ils ont inventé Twitter pour que les gens puissent s'exprimer. Exactement, c'est tout en cel shading. Donc voilà, c'était le mot à l'époque, le cel shading, donc qui est cette technique de je ne sais pas, voilà. Je fais genre mais C'est le fait de calquer des textures sur des objets 3D qui donne un aspect un peu ça. Dessin animé. Un peu dessin animé, exactement, des textures un peu plates, un peu voilà. Et du coup moi j'aime beaucoup hein, il y a pas de souci, mais ça avait fait criser pas mal de monde à l'époque. Et Wind Waker était pourtant très très bien, pareil en termes de mécanique, c'est tu es un pirate du coup comme dans Spirit Tracks. C'est la suite, donc Wind Waker est la suite d'Ocarina of Time. Mais pareil, là, on part sur des trucs de temporalité, de machin, puisque Majora's Mask, c'est aussi la suite d'Ocarina of Time, bref. Mais il y a vraiment une continuité dans The Wind Waker. La mécanique de jeu est très fluide. Les personnages aussi sont attachants. Et puis, il y avait cette atmosphère assez particulière où t'es sur la mer, où tu peux croiser des kraken et aussi des tornades, et puis de temps en temps tu vas tomber sur une île que tu vas explorer, et chaque île est différente, a son petit charme et tout, et c'est assez stylé. Et c'est la première fois qu'on voyait le peuple Piaf aussi, qui est un peuple assez fun, un peuple d'hommes-oiseaux qui est sympa. Et Wind Waker, c'est dans mon trio de tête, hein, c'est vraiment Majora's Mask, Breath of the Wild et Wind Waker, donc pas dans cet ordre, mais voilà. Sur mon podium, c'est mes trois Zelda préférés du monde entier. Attends, je note télécharger émulateur GameCube. il a eu droit à un remake sur Wii U qui est très bien. Le peu de choses qu'il apporte en plus vraiment rend l'expérience de jeu plus agréable. De base, le jeu est bien, mais voilà, ils ont un peu augmenté tout ça et c'est plus joli en plus. Il est encore plus beau. Donc je vous le conseille vivement. En fait, le drama Wind Waker, il était apparu parce qu'à l'époque, ils avaient publié une petite vidéo teaser, enfin forcément qui était sortie dans les magazines, hein, puisque à l'époque il n'y avait pas encore trop internet et tout ça. Et les images qu'on voyait se rapprochaient plutôt de ce qu'on aura après avec Skyward Sword ou des choses comme ça. Avec Twilight Princess plus, ouais. Twilight Princess notamment, ouais, qui est sorti avant. Enfin bref, c'était toujours dans le style réaliste de Ocarina of Time. Et finalement, quand le jeu est sorti, vrai. On a donc vu ce Link un peu cartoonesque. Voilà, c'était quand même très enfantin, on va dire, dans le design. Et forcément, là, les puristes qui voulaient toujours plus de réalisme, les vrais se fans, sont un petit peu enflammés contre Nintendo. Mais pourquoi ils avaient changé de direction artistique du coup ? Ils avaient rétro-pédalé sur un truc ou Ou c'était pour provoquer, pour faire une surprise. Ça a peut-être été expliqué quelque part, mais en plus on était en plein à l'époque, genre Final Fantasy 8, 9, enfin voilà, c'était. C'est ça, ouais. C'était. On était vraiment dans cette phase de réalisme, enfin voilà. Même si à l'époque on était loin de du réalisme d'aujourd'hui, mais on voulait que ça ait l'air vrai, et donc forcément quand les gens ont vu arriver ça, il y a eu une grosse déception, même si derrière ça le jeu est pas forcément moins qualitatif que s'il avait été plus réaliste. Quoi. Ça change rien du tout au gameplay, mais. Ça s'est un peu amoindri maintenant, mais on a toujours cette espèce de team de gens qui vont... Ouais, non, moi, c'est... Je schématise. Hein. Ouais, mais c'est Call of, regarde comment c'est bien fait, tout machin, c'est super réaliste et tout. Et puis, bah, l'autre team de... Ben non, mais ce qui importe, c'est le gameplay, c'est pas le réalisme du truc. Et t'as vraiment encore cette espèce de schisme entre les joueurs du c'est quoi le mieux, est-ce que c'est le graphisme, bah, tranchons, le réalisme, tranchons, alors, hein. Établissons la vérité, qui sera la vérité universelle de la qualité. Team gameplay de ouf, hein, de toute façon, y a pas à chier, c'est... Ce qui importe, le médium, le jeu vidéo, ce qu'il apporte au reste, c'est le jeu, c'est l'interaction que tu as avec le jeu. Le graphisme, après, on s'en fout. Tu peux avoir des super jeux avec juste des pixels, des petits pixels, et un jeu à chier avec une direction artistique de malade, hyper réaliste et tout, mais derrière, par exemple, c'est du vide. Je ne sais pas. je ne sais pas parce que je ne joue pas trop à ces jeux-là, justement, mais voilà. Pareil, j'ai pas d'exemple. Je sais que ça existe aussi pour des jeux en pixels hyper minimalistes qui ont des super gameplay. C'est juste que je n'ai pas d'exemple. Ça fait longtemps que j'ai arrêté de suivre intensément l'actu jeu vidéo. Et je joue très peu. Enfin, je joue juste à Breath of the Wild et à Smash Bros. Depuis des mois, c'est tout, quoi. J'ai un peu laissé ça. Non, mais le meilleur exemple, c'est des trucs genre Tetris, Candy Crush, tu vois, c'est laid, ça, c'est pas des démonstrations techniques, mais n'importe qui comprend en 3 secondes comment ça se joue, et ça fait partie des jeux les plus joués, les plus téléchargés du monde. Donc à partir du moment où le système de jeu fonctionne, après le graphisme, c'est du bonus, évidemment, un jeu qui est beau, et où tu vas rentrer dans un univers graphique et tout, d'ailleurs c'est pas forcément une question de beauté, ça peut être des fois une question de conception, il y a des jeux qui sont très poétiques, très oniriques dans leur conception, mais derrière ça, si le gameplay il est pourri, ça peut être super joli, tu vas te galérer, quoi. Si les contrôles sont pourris, c'est une catastrophe. Donc je pense que l'accessibilité du gameplay, déjà, même en premier lieu, c'est ce qui compte le plus, quoi. Est-ce que ta grand-mère peut prendre une manette et réussir à jouer ? Si n'importe qui peut réussir à jouer, c'est déjà gagné, on va dire, quoi. Après, le graphisme, c'est du bonus, quoi. Donc je me trompe, en fait, le fait de pas aimer Phantom Hourglass qui se joue au stylet, en fait, ça devrait être bien, puisque c'est plus simple à jouer. Faut-il démontrer que c'est plus simple à jouer. Et chacun on n'a pas goût, dit après, que c'était plus simple. C'est toujours pareil, chacun ses goûts. Et puis c'est pas. Est-ce que c'est plus simple ? C'est pas parce que ça se joue au stylet que c'est plus simple à jouer. Ça veut rien dire. C'est un autre mode de jeu, mais c'est pas pour ça que d'un point de vue technique et d'un point de vue approche, c'est forcément plus ergonomique. Vrai. Et puis là, c'est rentré dans les habitudes de joueur, tu vois. Je sais que moi, je fais partie de ces gens. Je n'arrive pas et je ne peux pas jouer sur des jeux PC ou clavier-souris. Je n'y arrive pas. C'est physiologiquement impossible pour moi. Et donc, du coup, tous les jeux que j'ai jamais eu fait dans ma vie, c'est soit à la manette, soit au stick arcade sur les jeux de combat. Mais je ne sais pas jouer en clavier-souris. Et j'ai eu maintes et maintes fois des discussions avec des joueurs PC sur du FPS où les mecs t'expliquent par A plus B que jouer clavier souris t'es plus précis, t'es plus précis, mais moi je n'arrive pas à jouer, donc c'est pas possible pour moi, quoi. Et là effectivement, quand tu changes la mécanique première de jeu qui est le comment dire, la croix, dis la croix, ouais, la croix, c'est ça, c'est tout, ouais, ouais, la croix, les boutons, c'est compliqué quoi. Et c'est aussi tout le débat de proposer des nouvelles, des nouveaux moyens de jeu quand tu viens à bouleverser non pas le gameplay mais la façon de jouer. Tu vas avoir des gens qui vont trouver ça génial et tu vas avoir des gens auprès de qui ça va trop changer leur habitude et du coup ils seront perdus et donc du coup ils vont pas accrocher. Moi c'était mon problème avec la Wii par exemple. C'est-à-dire que quand je prends un jeu, je veux prendre le jeu et commencer à m'amuser. Je veux pas me taper 2 heures de tuto pour expliquer comment est-ce qu'il faut que je place les capteurs, comment est-ce qu'il faut que je bouge pour faire ça. Et j'avais vraiment l'impression dans la Wii de devoir réapprendre à chaque fois, quoi. Et en fait, j'avais l'impression de faire beaucoup de phases de tuto et de pas m'amuser. Trop révolutionnaire pour un mec comme moi, tu vois. Je suis trop casanier. Ouais, c'est ça en fait. Quoi. Parce que tu vois, du coup, c'est marrant parce que le grand public a carrément accroché à ce côté qui paraissait simple, parce que c'est une télécommande, donc ça te fait penser à ta télé, parce que faut bouger, donc t'as pas de combinaison de boutons super complexe. La manette de Wii, il y a 4 boutons dessus, tu vois, il y a pas de, c'est pas une manette avec 8 gâchettes et 15 sticks de caméra. Donc c'est aussi des approches qui parlent à différentes personnes. Mais après, moi, je sais pas, tu vois, pourtant, je suis pas un gamer hyper excité. Si. Non, ça va. Mais t'as quand même bien insisté pour jouer à Black Sabbath sur Switch. Hein. Ouais, bah oui, mais j'ai toujours pas réussi à y jouer, tu vois. Écoute, j'ai pas essayé de refaire une mise à jour dessus, mais je pense que je ne pourrais jamais jouer à ce jeu. Il est tellement buggé, c'est une catastrophe. Mais par contre, tu vois, pour revenir à ce que tu disais, justement, Yanda, moi, j'ai pas de problème de passer de la manette au clavier. Et j'ai pas de préférence particulière. Je peux pas faire le puriste à dire, oh, c'est beaucoup mieux souris clavier. Mais que tu me mettes souris plus clavier ou manette, j'ai aucune, peut-être parce que justement, je suis pas un gros gamer. Donc, en fait, je suis pas assez spécialisé ou assez rodé. Mais, peu importe la manette ou le moyen de contrôle que tu vas mettre. Après, effectivement, les trucs avec des stylets, ça aurait tendance à me gaver aussi. Mais clavier-souris, ça passe aussi bien que la manette et je vois pas de différence. Après, ça dépend des jeux, tu vois. Moi, je sais que les FPS, par exemple, donc les jeux à la première personne où tu vois ton flingue, voilà, super. Je peux pas les faire à la manette, j'arrive pas à viser avec le pouce droit, en fait, sur le stick. Je suis obligé de viser à la souris parce que simplement. Parce que t'es gaucher en plus. Ouais, en plus. Mais je suis pas précis et je tire à côté, quoi. Donc, je suis obligé de le faire à la souris, ça marche pas. Et après, j'arrive à m'adapter. Je crois que j'ai fait le Assassin's Creed 1 et 2. Je crois que je les ai fait clavier-souris. Et c'est que après que j'ai investi dans une manette pour continuer à jouer un peu comme ça sur. Mais oui, ça dépend du type de jeu en fait. Un jeu, un gameplay, voilà. Et Zelda, c'est manette. Ouais, salut, c'est moi Jean-Claude Connard. Bon, et est-ce qu'on peut parler Valentin l'a abordé vite fait, mais on est tous d'accord que cette chronologie. Qui voudrait instaurer une histoire dans Zelda où en fait l'univers est cohérent et tous les jeux se suivent d'une certaine façon, c'est une vaste arnaque. C'est bullshit. Oui. Alors moi j'adore, je suis vraiment attaché à ça. Donc, J'étais sûr que je pouvais compter sur toi. tant qu'on peut me dire que c'est lié, moi je vais gober, il n'y a pas de souci. Par contre effectivement c'est clairement... Attention à ce que tu gobes, ouais. c'est clairement du marketing et c'est clairement du bullshit. Et notamment pour Breath of the Wild, ils ont annoncé à la sortie du jeu qu'il n'était lié à aucun Zelda. Les fans ont gueulé et puis finalement il y a eu un rétropédalage en mode « Non mais si en fait oui d'accord, ça fait partie de la chronologie, oui d'accord. » C'est juste qu'en fait c'est simple entre guillemets de le faire... Puisque comme c'est étalé sur des dizaines, voire des centaines de milliers d'années, tu peux un peu faire ce que tu veux avec la chronologie et c'est pas trop trop grave. Il y a des épisodes qui sont clairement liés entre eux, il y en a d'autres, c'est aussi clairement du bullshit et juste pour dire « Ah, vous voyez, tout mais est lié ». Mais est-ce que finalement, c'est pas la recette parfaite? Parce que nous, par exemple, avec les comics, on fait souvent chier avec la continuité, avec tout ça. Ouais. Bah là, en fait, ils reprennent toujours une même recette, un même fonctionnement. Ils ont une pseudo-continuité qui fait que tu peux lier un peu les cultures, par exemple, que tu vas rencontrer dans le jeu. Tu vas croiser les Gorons, etc. Mais comme tu t'emmerdes pas vraiment à dater tout ça et à mettre un ordre exact, ou qu'en tout cas, l'ordre exact peut pas forcément être vérifié... C'est et ça. Bah finalement le jeu en tant que one shot passe très bien, le jeu dans une continuité passe très bien si t'es un joueur habitué et tu te fais pas chier à à vraiment avoir. Et tu peux prendre n'importe quel Zelda sans avoir joué à celui d'avant ou celui d'après. Exactement. Enfin, c'est, je pense que c'est la recette idéale. Elle fonctionnerait pas pour tout, hein. Je dis pas que ça fonctionnerait appliqué aux comics ou aux films, mais en l'occurrence, pour Zelda, ça fonctionne très bien, quoi. Exactement. Et après, cela dit, ils ont, alors je pourrais pas te dire l'année, ça devait être pour Skyward Sword, donc ça fait, c'était en 2012, 2011, du coup. Ils ont sorti un bouquin pour, officiel, du coup, qui indique la chronologie, donc elle existe clairement, elle est clairement établie, mais elle a été écrite après coup, quoi. Une fois que les jeux étaient sortis et tout ça, ils ont lié le truc. Ah ouais, non, mais en fait, ça, ça marche, on va lier ça comme ça et tout, machin. Mais, donc il y a vraiment une continuité officielle, mais c'est clairement du bricolage. Zelda a été attaqué 10 fois par Ganon, quoi. Ouais, mais c'est parce que c'est pas la même Zelda. C'est, en fait, c'est ça. C'est ça qui est facile aussi, c'est que c'est à chaque fois c'est des réincarnations des personnages et que des milliers d'années après, il va y avoir les mêmes avatars du bien et du mal. Donc Ganon, Link et Zelda, les trois fonctionnent ensemble dans un équilibre, tout ça machin. Et du coup, c'est des réincarnations à chaque fois. Donc du coup, c'est effectivement, tu peux jouer à Zelda à n'importe quel Zelda. T'auras Link, Zelda et Ganon pour ceux qui ont ces personnages-là en tout cas. Mais en fait, ce sont des incarnations différentes de ces personnages-là qui sont pourtant identiques. Oh. Et en tant que fan de Zelda, est-ce que Link dans Smash Bros, c'est bien? Link, c'est intéressant parce que c'est un personnage qui a été pas mal modifié entre la dernière version en date de Smash et la précédente, parce qu'ils l'ont adapté de Breath of the Wild, Link. Et donc, du coup, par exemple, tu peux faire péter les bombes quand tu veux, à l'instar de Breath of the Wild, ce qui n'était pas le cas dans les précédents jeux. Et donc, dans Smash Bros, tu as trois Links différents. Tu as le Link de Breath of the Wild, le Link enfant de Ocarina of Time et le Cartoon Link de Wind Waker et ses suites. Et donc, tu peux jouer avec trois Links différents, avec chacun leur graphisme, du coup, et leur maniabilité aussi, et leurs coups spéciaux et tout ça, même si les deux Links enfants se ressemblent pas mal. Mais ouais, c'est des bons personnages, quoi. Après, chacun un voit midi à sa porte et maîtrise le perso qu'il connaît, tu vois. Qui n'est donc pas Link pour Valentin. Qui n'est donc pas Link pour moi, absolument. Qui est Samus Sombre, si vous voulez tout savoir. Ah, évidemment. Oui, évidemment. Ouais. C'est un super perso. Et toi, Yanda, qui est un peu joueur de Smash, il me semble, non? Oui, très très rapidement. Moi, j'ai un attachement nostalgique et particulier pour Captain Falcon. Ah, mais oui. Excellent. J'aime bien. Pas mal aussi. Je fais partie de ces joueurs qui considèrent que ce match est une hérésie, puisque dans les interviews de alors je ne sais plus, je vais dire une bêtise, mais je ne sais plus quel dirigeant de Nintendo, mais dans les interviews du coup des cadres de Nintendo qu'on trouvait dans la presse des années 80 et 90, on nous expliquait que Nintendo avait des valeurs qui ne correspondaient pas du tout aux jeux de baston, et que jamais on ne verrait des personnages Nintendo dans des jeux qui prônaient l'affrontement entre leurs différents héros. Bah, tu sais ce qui est de plus fort que les valeurs? L'argent, mon gars. L'argent, c'est plus et fort que valeur les valeurs. Et la valeur de l'argent. Ouais, voilà. Et du coup, j'ai toujours cette petite phrase en tête, et du coup, je continue à... J'ai jamais joué à Smash Bros, d'abord parce que je n'ai pas d'amis pour y jouer, c'est ça la réalité, et que je suis triste et frustré, mais et que comme j'ai craqué ma Switch, je peux pas jouer en ligne, tout ça, bref, super. Mais voilà, je continue à me dire, dans mon petit canapé de frustré, que Smash Bros est une hérésie. Et de toute façon, t'étais contre la 64, donc à partir de là... Je sais pas pourquoi, ouais, voilà. En fait, j'étais contre la 64. En plus, il n'y a aucune logique. J'étais joueur de Nintendo. Je voyais pas du tout l'arrivée du CD comme une bonne idée, par exemple, tu vois. Voilà, je suis passé complètement à côté de toute cette génération de consoles. Effectivement, c'est super étrange que tu n'aimes pas la 64, du coup. Bah oui. Et je... Voilà. Alors que si tu prends... Bon, il y a les Zelda, évidemment, mais sur 64, il y a F-Zero. Le F-Zero G, F-Zero X sur la 64, qui est juste, mais je l'ai poncé. Il y a Light Wars. C'est du coup sur. Ouais, sur GameCube, qui est excellent aussi. Putain. Et Light Wars, qui est la suite de Star Fox, qui est énorme aussi. il y a plein de bons jeux sur, il y a GoldenEye évidemment, genre le jeu de la 64 GoldenEye quoi. Enfin franchement la ludothèque est pas énorme, il y a pas beaucoup de jeux sur. Non mais des fois on a des convictions très cons. Hein. C'est cultissime et tout, il y a pas de souci, c'est à l'époque ça avait fait un, enfin c'est. Ah oui non mais aujourd'hui forcément par rapport au FPS par rapport au FPS actuel ça fait mal. Les gens qui vont avec des étoiles dans les yeux en mode ah on va jouer à GoldenEye et puis ils se retrouvent dans le jeu, ah c'est ça, ouais bah oui c'est ça, oui ça a 25 ans mon gars, donc du coup. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué mais. Mais ouais, non, il y a pas énormément de jeux sur la 64. Je pense que c'est une des consoles Nintendo qui a la plus petite ludothèque, sans trop m'avancer, avec le Virtual Boy, évidemment. Mais il y a vraiment pas mal de trucs très, très sympas. Et à l'époque, effectivement, c'était toujours un peu confidentiel parce que c'est pas une console qui a eu un gros succès en comparaison de sa concurrente principale, la PlayStation, même si par rapport à la Saturn de Sega, ça s'en est pas trop mal sorti. Mais j'en profite pour rebondir. On parlait de Zelda. Pour les lecteurs qui nous suivent, parce que je sais qu'il y a beaucoup de lecteurs qui nous écoutent, il y a une excellente série de mangas dérivés de Zelda qui reprend à chaque fois les jeux et qui est dispo en français chez Soleil. Ils ont sorti une d'assez belle édition d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. Et si t'es fan de Zelda, c'est vraiment, vraiment bien. Voilà. J'en ai offert quelques-uns, mais j'ai pas eu l'occasion de les lire encore. Mais ouais, ça m'intriguait. Du coup, formons une prochaine génération de fans. Messieurs, quel jeu vous conseillez pour commencer Zelda? Comment on s'y met? À partir de quel âge? Prenons un exemple parmi tant d'autres. Prenons Monsieur Honda, par exemple. Votre enfant est doté de quel âge? Il a un âge constitué de 9 années. Très bien. Et donc, est-ce que... J'entends, est-ce civil. Est-ce que cela vous paraît être un bon âge pour commencer la saga des Zelda? Tout à fait. Fort bien. Vous avez donc commencé avec un système en 2D, oui. le bien nommé A Link Between Worlds, donc un lien oui. entre deux mondes. Ce choix vous a-t-il semblé judicieux pour que la jeunesse se mette à cette saga culte? Eh bien écoute, j'étais assez réticent au début, ne connaissant pas cet opus, mais en fait il s'avère qu'il a super bien accroché, et y compris au système 2D et demi, avec notamment cette histoire de se plaquer contre le mur en mode peinture pour pouvoir jouer un petit peu avec les décors, mais c'est majoritairement en 2D. J'étais un peu sceptique, enfin j'avais un peu peur qu'il accroche pas et qu'il préfère justement les 3D puisqu'il sort quand même de Pokémon, il a fait Pokémon X, Pokémon Ultra Soleil et Monster Hunter Stories, donc il sortait vraiment d'open world 3D et pas du tout, il a vachement accroché complètement, donc oui. Après je me dis avec un petit peu de recul et un petit peu plus d'honnêteté. Même vous si avez ce mot-là à la bouche aujourd'hui, l'honnêteté, ouais, là, vous commencez à me gaver vrai. Avec ça. Quoi. Ouais, c'est vrai. Ben, on n'est pas connu pour ça. Hein. C'est vrai, c'est vrai. On n'est pas connu du tout. J'arrête de sourire. puisque c'est ça, j'arrête de sourire. Même si j'aurais adoré lui faire découvrir Ocarina of Time, je pense que c'est un peu tôt encore. Parce que, alors dans le souvenir que j'ai, ça fait quelques années quand même que j'y ai pas rejoué, Ocarina of Time est quand même très sombre. Et du coup, je sais pas si ça lui aurait plu. Il est un petit peu plus mature, entre guillemets, même si c'est quand même très léger, que par exemple Link Between Worlds, qui est effectivement, pour un enfant d'une moins de 10 ans, ça passe très bien. Tu dis que tu connaissais pas Link Between Worlds, c'était quoi ton Zelda de référence à toi? Ah, moi, mon Zelda de référence, c'est Ocarina of Time. Ah, d'accord. Et tu, ah ouais, du d'accord. coup, si tu pars pas sur celui-là, ce genre de personne, d'accord. non, mais tu, en fait, non, tu m'as bien éclairé, donc j'accepte ta réponse, elle est validée. Et du coup, si tu pars pas sur celui-là, tu penses partir sur plutôt quel opus à la suite de Link Between Worlds? Je pense que je suivrai vos recommandations et que je partirai donc sur la suite Link to the Past. Mais ça serait soit Link to the Past, soit Ocarina of Time. En l'occurrence, ouais. Link to the Past, c'est avant Between Worlds. Ouais, mais c'est pareil, parce que tu sais, avec la chronologie, on peut jouer, et puis l'un dans l'autre, ça se répond. De toute façon, je lui offrirai le bouquin après, donc il verra qu'il y en a plein d'autres, c'est pas grave. Tu feras sa sauce. Ouais, je sais pas par quoi on commence. Moi, j'aurais bien été tenté de filer Minish Cap à des gamins, tu vois. Il y a vraiment un univers coloré, c'est vraiment... Il y a cette idée de devenir petit, d'être dans les feuilles. Pour moi, ça rejoint vraiment ce qu'a l'univers des Minimoy, par exemple. Et du coup, c'est assez accessible pour les enfants, quoi. C'est... Zelda Minish Cap. C'est pas cher. Moi, en émulation, c'est bien. Je suis assez d'accord avec vous deux, pour le coup, mais j'aurais tendance à conseiller Link's Awakening parce que c'est mon préféré, et parce qu'en plus il est ressorti sur Switch il n'y a pas très longtemps, et pour le coup, tu vois, Yanda disait, il y en a un qui est un peu trop sombre, toi tu disais c'est plutôt pour les enfants, etc. Et ben je trouve que Link's Awakening c'est assez tout public, c'est-à-dire que si t'es adulte, tu vas accrocher aux mécaniques et à la quête avec les instruments de musique et tout, si t'es gamin, ça passe parce que ça reste un petit jeu sympa et pas trop sombre, pas trop brutal, ni trop complexe non plus. Donc Link's Awakening, là, qui est ressorti sur Switch, franchement, c'est une bonne porte d'entrée pour découvrir les mécaniques qu'il y a autour de Zelda. Et il est très beau. Ouais, il est très cool. La version Switch est très sympa. Réussi, ouais. Je valide. Mais qui valides-tu? je suis d'accord avec quelqu'un. Avec tout... ouais, c'est ça. Moi, j'aime tout le monde. je suis d'accord avec Chris. Mais parce que moi, ça fait partie des Zelda en 2D, que c'est le seul Zelda en 2D auquel j'ai joué, en fait, donc du coup voilà, parce que je suis d'accord fait, avec vous. Mais fais Link to the Past, si, et tout, oui, tu voilà, vas kiffer, j'ai hein. commencé Link to the Past et c'est très bien, mais j'ai pas attention à ce que tu vas dire. J'ai pas pris le temps de m'y mettre et de poncer le jeu et voilà, là j'ai la flemme de m'y remettre, c'est tout, mais c'est très bien. Et effectivement, je ne conseillerais pas forcément pour commencer les Zelda en 3D, surtout pour des petits enfants. Après, à partir de 10-11 ans, après moi, Ocarina of Time, j'ai joué, j'avais 8 ans, mais c'est vrai que tu as des Zelda qui sont plus appropriés pour eux, en termes de mécanique de jeu surtout, pour les enfants, et c'est sans doute du Link Between Worlds et du Awakening et tout ça, quoi. Je suis donc d'accord plus... avec vous. En plus de ça, les opus N64 sur 3DS sont quand même un peu vieillis graphiquement, je trouve. Donc, je sais pas vraiment comment ça serait accueilli pas par plus, des gens qui sont rodés. Pas plus que les mêmes épisodes sur 64. Ouais, ce que j'allais dire. Parce que oui, c'est oui, non, bien sûr, oui, mais enfin, on va considérer qu'aujourd'hui, si tu découvres Ocarina of Time, c'est peut-être plus facilement sur 3DS que sur N64. Tu vois, si tu dois l'acheter à un gamin pour qu'il se lance dans Zelda, ça va plutôt être avec une 3DS. Mais en l'occurrence, sur ces machines-là, la 3D marche très très bien, et c'est une dans l'immersion dans l'univers, ça marche, ça aide beaucoup, quoi. Ah oui, non, je remets pas une fois encore, pour le coup, ça c'est un système qui marche plutôt bien chez Nintendo, la 3DS. Mais après, est-ce que graphiquement, tu vois, si à côté de ça tu vois du Breath of the Wild, c'est quand même pas la même catégorie, donc je sais pas trop s'il est là, je peux pas me mettre à la place de celui qui découvrirait Zelda aujourd'hui, mais je sais pas si graphiquement il arriverait à accrocher à cet univers qui est un peu vieilli maintenant quand même. La 3DS, les portages sont pas tout récents, donc c'est pas le top du top visuellement, quoi. Oui. Okay, merci d'avoir piétiné mon enfance, donc merci. Moi, je suis assez inquiet pour le mien d'enfant, puisqu'il a 7 ans et il joue un peu à des jeux à la con sur tablette et tout, mais il joue à Breath of the Wild. Et du coup, c'est assez intéressant de voir l'évolution de la prise en main des jeux vidéo. C'est assez compliqué quand même, malgré tout, la prise en main des jeux aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de boutons sur les manettes. C'est très con ce que je vais dire, mais il y a plus de boutons sur les manettes, tu dois gérer ton stick de caméra. Et ça, malgré tout, avoir un stick de déplacement et un stick de caméra, enfin, t'as quand même beaucoup plus de doigts à placer. Et du coup, bon, bah, il commence à gérer ce truc-là. Et c'est une grosse évolution, et je pense qu'il pourra jamais jouer aux jeux vidéo après, quoi. Il y a rien qui va arriver à l'épaule de Breath of the Wild ensuite. Il faut qu'il arrête, quoi. Il a joué au maître étalon des jeux vidéo. C'est... Il a fini, non? Il a battu Ganon et tout, non? Oui, mais pourquoi, bon... Parce qu'il y a Ganon à battre. Oh, ah, pardon, spoil. Ah, là, là, là, là, là, là, là, là, là. Et il a fini le jeu, si on veut, mais il a pas fait les sanctuaires, il a pas fait les créatures, parce qu'il arrive pas à péter les boss. Il y a que Ganon qui l'arrive à poutrer, donc c'est pas Pounet qui fait les sanctuaires, quoi. Très bien. Mais oui, il se débrouille de mieux en mieux. Il arrête de pleurer quand il croise un Linel. Enfin, tout va bien, quoi. Ça va, il s'habitue. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On part vers une conversation beaucoup plus longue, ou on s'arrête à 1h50 de podcast? Alors, moi, je vous préviens tout de suite, si on part sur une conversation beaucoup plus longue, je ne terminerai pas l'émission puisque je vais m'endormir sur mon micro. Mais c'est pas contre vous du tout, c'est la fatigue ambiante. Non, mais d'accord, si on t'intéresse pas, n'hésite pas. Et je veux aussi, dire, ne le cache plus. Pas. Non, par contre, peut-être en 10 minutes, on peut. Mais j'ai pas d'idée là, je suis en train de lancer quelque chose sans avoir d'idée derrière. Bah vas-y, vas-y, en 10 minutes, on va voir si on peut avoir un rapport sexuel éventuellement. On peut avoir un rapport sexuel ou une discussion, je sais plus sur quel épisode on avait trouvé un sujet en 10 minutes, mais ça devait encore parler de caca ou trucs comme ça, donc c'était pas. Mais après, on va parler. Là, de caca, j'ai pas d'inspiration ni morve, ni caca, ni vomi, rien du tout là, je suis. Je suis sec. C'est vrai qu'on n'a pas eu d'anecdote vomi. On n'a pas eu beaucoup d'anecdotes vomi. C'est vrai que vomi, on en a pas trop parlé, ouais. Bah attendez, je vous ai raconté comment j'ai dégueulé sur la porte arrière d'une voiture. Ah oui, si, j'étais à l'intérieur. Vous rigolez, quoi. C'est vrai, c'est vrai. On a fait le vomi déjà. Ah si, j'ai un premier gland qui a très mal tourné. Ah bah voilà. Ah bah voilà, pour finir, excellent. Où je vais chez un pote. Du coup, petit réveillon, il avait invité plein de. C'était un pote à moi qui centralisait et qui avait invité plein de potes différents. On fait une soirée avec plein de gens qui ont un seul pote en point commun. Donc on se découvre un peu tous. Et on a bu un peu. C'était un réveillon, mais on a surtout bu trop vite. Et donc on a été malade. Et cette soirée, en fait, tout le monde s'est très bien comporté dans cette soirée, sauf le mec qui recevait. Donc c'était chez lui, et puis les deux seules personnes qui ont été malades, c'était ma meuf et moi. C'est-à-dire qu'elle était à quatre pattes en train de gerber dans les chiottes, et moi j'étais à quatre pattes en train de gerber dans la baignoire. Et c'était les seules personnes qui se tenaient mal dans cette soirée. Ah, et ils vont si bien ensemble. Je me souviens pas du tout de la soirée, du tout. Je me souviens juste que en me relevant un peu de la baignoire, j'avais un peu tiqué quand j'étais revenu dans le salon, et que tu sais quand tu prends la bouteille de champagne et que tu fais gicler le champagne comme ça, c'est ouais. Cool comme au Tour de France, et bah que mon pote était en train de le faire ça, mais on était chez lui, donc c'était ses murs, c'était ses meubles, c'était tout ça qu'il a dû décaper derrière. Il a jamais réussi à récupérer, il a perdu sa caution parce que les traces de champagne faut repeindre en fait. Il a jamais pu nettoyer derrière, mais ouais on a vu que le début de la soirée. On n'est pas arrivé au 3-2-1 évidemment hein. Et puis et puis voilà, bah on n'était pas très beau à voir. J'ai une anecdote toute fraîche. Alors c'est pas destroy du tout, c'est pas méchant ni quoi que ce soit, mais ça m'a juste beaucoup fait rire. Mon frère est venu chez moi il y a quelques jours, passer un peu de temps avec moi, et donc on a un peu picolé hein, comme nous savons faire. Et on a vous êtes de Rennes, on place les trucs. Vous êtes à Rennes, Valentin. Moi oui, ouais. Oui, c'est ça, ouais. Ouais. C'est la Bretagne, c'est normal, c'est la rue voilà. De la soif, tout ça. On est. Mon frère est ailleurs en Bretagne, mais il est pas à Rennes. Non, mais là, donc là, voilà, il est passé me voir. Et donc on a testé. Moi, j'avais un pote qui m'avait laissé chez moi sa bouteille de Picon. Et moi, je n'avais jamais vraiment goûté le picon, mais effectivement, un petit picon bière, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Et on m'avait parlé aussi, si j'ai goûté ça, le café picon. C'est pas mal aussi, c'est sympa. Je bois pas de café et pourtant, j'avais pas trouvé ça dégueu. Bref, 2h du matin, après moult... Après 8 cafés picon. Voilà, après moult breuvages à base de picon et de bière. Je ne sais plus comment la conversation arrive sur le tapis, mais... Il me fait « Oh, attends, t'as du sucre de canne ?» Je fais « Ouais. » « Oh là là !» Et puis, il écarquille les yeux, il se lève, il fonce vers ma cuisine et il prend une bouteille de bière, le picon et du sucre de canne. Et je fais « Ok, il a une idée de ouf, il va me faire un super cocktail et tout, un truc de taré. » Je fais « Bah ouais, j'ai du citron aussi. » « Oh, t'as du citron, trop bien !» Il commence à découper une tranche de citron, à mettre le sucre de canne. Après, je regarde pas trop comment il fait, mais voilà. Et puis, là, je vois qu'il sort le café soluble. Et je fais « Mais qu'est-ce que t'es en train de faire ?»« Attends, si, je pense que ça va être pas mal. » »« Attends, tu penses que ça va être pas mal ? Tu sais pas du tout ce que tu fais, en fait. »« Non, mais attends, j'improvise un truc. » »« Ah ouais, d'accord. » Et effectivement, la chute arrive très vite et n'a rien d'inattendu. C'était dégueulasse. Voilà, il avait mélangé plein de trucs sans trop savoir ce qu'il faisait, alors que j'étais persuadé, vu son regard, qu'il savait exactement vers quoi il allait. Et pas du tout. Il a vraiment fait un cocktail immonde avec du café, de la bière, du sucre de canne, du citron et du picon. Voilà, donc n'hésitez pas à ne pas faire ça chez vous. C'est vraiment dégueulasse. Voilà. On mettra la recette avec des liens affiliés pour aller acheter tous les ingrédients dans la description. Exactement. Il y a bien un livreur qui peut t'apporter ça, ouais. Exactement. Moi, je suis surpris que Chris, en bon normand, n'ait pas d'anecdote vomitive. Hein. Mais non, parce que je suis... Parce que nous savons boire. Non, mais c'est ça. Non, parce que moi, je ne bois pas beaucoup. Je bois très peu, à part une bière en mangeant, des choses comme ça. Je ne suis pas quelqu'un qui est dans l'excès d'alcool. Et c'est très bien. En tout cas, ça me convient. Et du coup, non, j'ai pas beaucoup d'anecdotes à base d'alcool parce qu'en fait, je ne bois pas beaucoup d'alcool. Voilà, je suis très chiant en fait. Désolé de vous le révéler comme ça publiquement, mais c'est vrai que voilà, je ne suis pas quelqu'un de. Pour ceux qui en doutaient, je ne suis pas quelqu'un de très festif. Hein, on me voit régulièrement sourire aux quatre coins des conventions de France et de Navarre. Eh bien, voilà, je suis à la ville comme à la Seine. Je suis chiant. C'est un caractère qui est imposé par l'érudition. C'est faux en plus, c'est faux. En fait, c'est juste que tu picoles pas, mais après, quand tu es en soirée, effectivement, post-convention, comme il nous est arrivé d'en faire, tu n'es pas le dernier à rigoler, à discuter et à participer activement à la bonne ambiance de cette soirée. Certes, en fait, je ne fais pas partie de ces gens qui ont besoin de boire pour devenir chiant ou rigolo. Ouais. Donc du coup, tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de lever une certaine inhibition et qui donc utilisent l'alcool. Enfin, moi, j'ai des potes, par exemple, qui sont comme ça, qui ne sont pas présents ici dans cette émission ce soir. Hein, je tiens à le dire. Les gens ici sont de qualité, mais qui vont donc, voilà, qui vont avoir. Tes potes ne sont pas de qualité, du coup. Oh bah c'est non, il y en a, c'est vraiment des connards. ça va, ils écoutent pas, c'est bon. Et en fait, tu vois, il y a des gens qui se sentent plus à l'aise après deux, trois verres et ils sont un petit peu, voilà, ils sont pas ivres, mais ils sont détendus. Et parce que sans ça, ils ont du mal à rigoler, ils ont du mal à parler avec des gens qu'ils connaissent pas. Il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là, c'est pas du tout pour accabler les gens, mais il y a des gens qui, après un verre ou deux, sont plus à l'aise en société et se lâchent un peu plus facilement. Alors que moi, si je dois dire un truc horrible, même à jeun, je le fais large, tu vois, j'ai pas de. Les barrières sont déjà. Elles ont été perdues. Oui, bah elles ont été perdues quand tu as mis ta main dans cette bouse de vache en sautant par-dessus la barrière. C'est fort probable. Mmh. Elles sont restées de l'autre côté, voilà. Dans le champ. De l'autre côté de la barrière. bah voilà, 10 minutes. Allez. C'était pas facile à meubler. Hein. Et on n'en saura donc pas plus sur la vie de Yonda puisqu'il a quitté le débat. Hein, on peut, c'est puisqu'on ça. Se dit tout. Il a quitté le débat quand on a commencé à discuter. Alors que lui, ça ne va pas être le dernier. Je suis parti, ça m'a saoulé. Ouais, non, si, j'ai quelques anecdotes. On va finir sur une anecdote. Donc le mec déclare la fin alcoolique. Ok, bah. Non, mais je sais pas. Vous êtes sur vos bails, ouais, 10 minutes, machin. Après, parce que sinon après j'ai des trucs à faire. Mais c'est Valentin, il a un plan cul. Après, il faut qu'il bouge. Ouais, si seulement. Par contre, je vais à Paris demain, bref, on s'en fout. Je sais pas pourquoi je t'ai dit ça, ça n'a aucun sens. Sachez en plus, vous qui écoutez ce podcast, que demain c'était il y a deux semaines. Donc, ouais, voilà. Donc, quand vous écoutez donc, le si podcast. Si vous étiez à Paris il y a deux semaines, vous avez peut-être croisé Valentin il y a deux semaines à Paris. Incroyable. Voilà. Incroyable. Pardon, Yonda, vas-y. Par contre, on a plus le temps, Yonda, désolé. Ah, bah écoutez, c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai plein d'anecdotes dans ma besace. L'anecdote que je voulais vous raconter, c'est... Bon, qui as-tu arnaqué cette fois? Alors non, j'ai arnaqué personne, je n'ai rien vendu à personne. Je vous ai raconté déjà l'histoire de quand j'ai passé une soirée chez mon pote dont le père était photographe publicitaire. Non, et que j'ai eu une hallucination. Ah non, je vous ai pas raconté ça. Okay. Bon, ça va être une bonne anecdote. Donc j'étais d'une soirée chez un pote dont le père est photographe publicitaire. Et, ah oui, non, tu l'as dit ça. Je te l'ai dit à toi? Ouais, il y a 10 secondes. Ok. bravo. Bravo. Pardon, j'étais pas prêt. Point taken. Et donc du coup, le studio photo était attenant à sa maison. Et il était en fait photographe publicitaire, c'est-à-dire qu'il réalisait notamment les catalogues de grandes surfaces. Et j'ai appris un truc à l'époque, c'est que dans ce type de prestation, les supermarchés qui fournissent des produits pour les photos de catalogue ne les récupèrent pas, notamment l'alcool. Donc en fait, son studio photo était littéralement un véritable bar avec un stock assez indécent d'alcool. Et donc du coup, on était parti faire une soirée, on était je crois une dizaine. T'es en train de nous dire que pour faire les photos, genre des catalogues et tout ça, le mec, on lui envoie des barquettes de Monique Ranou, il fait des photos sur un fond blanc chez lui et c'est comme ça que ça marche. Alors, À l'époque, c'était le cas. Je ne sais pas si ça l'est encore aujourd'hui. Mais en tout cas, oui. À l'époque, quand tu vois... Bah, tu prends un catalogue et notamment pour la partie vin et alcool, tout ce que tu vois sur les photos, etc., etc., elles sont fournies aux photographes, mais elles ne sont pas récupérées. Et le mec est payé ? Et le mec est payé, bien évidemment. Mais ce job, quoi. Bah oui. sauf quand t'as un enfant qui a des amis ivrognes, mais sinon, c'est pas mal. Et du coup, donc, on part faire la soirée chez Spot. On arrive, alors chacun arrive avec sa petite contribution à la soirée de type boisson ou boisson. Et du coup, on commence à boire et arrive un moment où bah, y a plus rien à boire. Et là... illumination de mon pote qui dit « Attendez, on va aller taper dans le stock de mon père, il en a à balle, il y a de quoi boire. » Eh ben vas-y, fais péter, tu vois. Et donc on commence, alors on était parti sur divers alcools, on a commencé par rester dans de l'alcool classique, dirons-nous, et puis après on a commencé à partir donc déjà dans des mélanges, mais en plus des mélanges plutôt exotique, tu vois, les vieux trucs un peu éclatés, genre jean pêche, les trucs vraiment chelous, tu vois. Et là, comme j'étais quand même de nature assez con, bah, je me suis chauffé avec un pote et on dit vas-y, on fait un concours, tu vois. Bah, bien sûr, évidemment. Celui qui boit le plus, hein, celui qui couche l'autre. Alors, spoiler tout de suite, on a fini tous les deux couchés en même temps, personne n'a gagné. mais j'ai eu un petit bonus prestation, puisque du coup, donc, on s'est mis à lever le verre bien comme il faut, à enchaîner tous les mélanges divers et variés. Et à un moment, je me suis dit, je ne me sens pas très bien, je vais rentrer chez moi. Excellente idée. J'étais enfant de fiesta à cette époque-là. Et donc, du coup, je me lève, je titube dans bien que mal, je sors et j'arrive. Ma voiture était garée vraiment juste devant la porte d'entrée de chez mon pote. Je sors, je vais pour mettre la clé dans la serrure de la portière. Je loupe la serrure, puisque bien évidemment, j'étais, comme dit l'expression, rond comme une barrique. Et du coup, donc, je fais tomber les clés. Et là, en fait, je me relève. Enfin, je me baisse, pardon, pour récupérer les clés. Je me relève, des potes à moi étaient venus en disant « Mais arrête, on pensait que tu rigolais en disant que tu vas partir, mais tu pars pas, tu restes là, t'es pas du tout en état de conduire. » Enfin des gens responsables. Ouais, ils m'avaient suivi pour voir si j'allais vraiment me barrer, en fait. Et quand ils ont vu que j'allais à la voiture pour me barrer, et que j'étais pas foutu de mettre la clé dans la serrure, ils se disent « Ouais, non, on va peut-être pas le laisser rentrer maintenant. » Et là, en fait, je ne sais pas vraiment trop l'expliquer, mais quand je me suis relevé, donc j'ai vu mes potes, et au bout de la rue, j'ai vu des gens qui m'interpellaient de façon assez véhémente. Et là, comment dire, le démon s'est emparé de moi. C'est-à-dire que j'ai littéralement pété un câble et j'ai commencé à hurler dans la rue, à dire « Ah ouais ! Mais moi je vous défonce ! Je vais vous enculer à barrage, j'en ai rien à foutre !» Et donc là, si tu veux, mes potes, qui me font « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Tu avais ouvert un portail vers la lampe torche verte. Enfin, tu vois, qu'est-ce qui se passe, quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? Et là, je fais « Mais vous les voyez pas ? Ces bâtards ! Vas-y, laissez-moi, je vais les attraper !» Et là, les mecs me font « Mais il y a personne !» Qu'est-ce qui t'arrive ? Wow. Il n'y a personne. Et moi, persuadé de voir des gens et vraiment hystérique, en disant, je vais vous brûler, je vais vous attraper, je vais vous enculer à barre et tout machin. Et donc, au bout d'un moment, mes potes qui me tenaient, parce que vraiment, ils étaient à deux pour me tenir et vraiment, je me débattais comme un diable. Et au bout d'un moment, ils ont dit, bah, vas-y. Et ils m'ont lâché. Parce qu'ils m'ont dit le lendemain, parce que je me souvenais pas du tout, hein. Ça c'est eux qui me l'ont raconté, moi je n'ai aucun souvenir de ce passage-là. Et donc ils m'ont dit, t'étais comme un démon, et donc on s'est dit, bah vas-y, on va le lâcher pour voir ce qu'il fait, quoi. Et donc en fait, ils m'ont lâché, je suis parti en courant comme une balle. Il a fait du tibia contre un abribus, Yonda. pas loin, parce qu'en fait, j'ai couru comme une balle, et j'ai pris la première rue à droite. Donc déjà, pourquoi ? Et je me suis emplâtré dans une voiture qui était garée. Et je me suis éclaté contre la voiture. Et je suis resté là, en fait, sonné, déboîté, enfin voilà. Et donc du coup, eux m'ont suivi et sont arrivés et m'ont trouvé sur le capot de cette bagnole, en moitié, voilà, en train de comater. Et ils m'ont rentré dans la maison. en me ramenant, en me tirant un peu, en me soulevant. Et ils m'ont posé dans le lit et je me suis réveillé, je crois, quelques heures après, malade comme un chien, j'ai dégueulé tout ce que j'ai pu. Mais voilà. Et le lendemain, on m'a raconté ça parce que je ne m'en souvenais absolument pas. Et voilà, ils m'ont dit, donc, t'as voulu te battre avec des gens qui n'existaient pas. Et j'ai dit, non, mais vous déconnez. Ils m'ont dit, non, non, je te jure. J'étais d'accord, ok. Donc, ça m'arrive d'avoir l'alcool mauvais. Mais c'était, voilà, une belle anecdote. Alors moi, il paraît que j'ai l'alcool bricoleur. Alors, ça, j'ai jamais entendu parler de ça. Je me suis... Alors, ce que je vais vous raconter... Je vais monter une maison. Je vais vous raconter ce qu'on m'a raconté, car je n'ai aucune preuve que ce soit arrivé, et je ne m'en souviens pas à titre personnel. J'ai passé un morceau de soirée, il y a une dizaine d'années, en compagnie de personnes et d'une bouteille de Calva. Je fais un peu de Normandie pour que Chris ne s'en sente pas exclu de tout ça. Ça me fait plaisir. C'est pas du coup, je me suis couché. On en boit aussi. Attention là. Qu'est-ce que tu dis là? Du coup, je me suis couché passablement ivre. Et le lendemain matin au réveil, ma copine me dit. J'avais monté un trois étagères en plus. Ma copine me dit, toi, t'étais bourré hier. Oh, je dis, oh non, ça va. Dis, bah, si, quand même, si. Donc, dans sa version des faits, elle m'aurait retrouvé... alors moi, je me souviens m'être couché dans le lit et je me souviens m'être réveillé au même endroit. C'est pour ça que je doute un peu. Mais bon, je me dis, pourquoi aurait-elle inventé une histoire pareille? Elle m'aurait retrouvé dans la salle de bain, à genoux, en train de démonter le convecteur électrique. Branché. Donc, pas dangereux du tout, tu vois. En train d'attaquer le petit domino qui était derrière. Genre, je l'avais défait du mur et j'étais en train d'attaquer le domino, quoi. Mais pourquoi faire? Je ne sais pas, j'étais ivre. D'accord. Et ça ne m'est arrivé que deux fois. Ça m'est arrivé que deux fois. Il y avait cette histoire, du coup, de démontage de radiateur. Et sur une première séance avec sept bouteilles de Calva qui devaient être visiblement maudites, hein, c'était les pommes du démon qui étaient à l'intérieur. Et la deuxième fois, j'aurais, encore une fois, été debout dans le couloir à allumer, éteindre, allumer, éteindre, allumer, éteindre. Genre avec le regard vide, tu sais, envoûté, quoi. Et c'est jamais arrivé depuis. Faudrait que je me remette au Calva pour vivre des aventures. Mais en tout cas, tu vois, j'aime beaucoup l'électricité, les interrupteurs, tout ça. Voilà, le Calvados me rend électricien. Bah, je crois qu'on ne pourra pas mieux conclure ce podcast aujourd'hui. Je pense, ouais. On pourra mieux le conclure demain, mais pour aujourd'hui, je pense que c'est la seule chose. Je pense qu'on s'est tout dit et que du coup, il y a plein de choses dont on n'a pas pu parler aujourd'hui et que ce sera donc pour un prochain épisode, ce qui fait qu'il y a des choses palpitantes qui arrivent dans la suite de l'Estaminière. Surtout, ne ratez pas les prochains épisodes de ce qui est désormais votre podcast préféré. Et c'est pour ça que vous allez aller sur les plateformes de réseaux sociaux pour dire le bien que vous pensez de ce podcast. C'est pour ça que vous allez partager cet épisode auprès de vos amis afin qu'eux aussi puissent profiter de cette émission. C'est pour ça que vous allez mettre des notes sur les plateformes de podcast, les fameuses 5 étoiles d'iTunes et vos commentaires. Et c'est pour ça que vous allez pouvoir soutenir cette émission. N'hésitez pas à faire des cassettes audio que vous pourrez transmettre aux membres de votre famille qui ne sont pas encore équipés de solutions numériques et qui pourront, grâce à ça, écouter les meilleures interventions de ce podcast sur leur autoradio cassette auto-reverse, évidemment. Sinon, c'est chiant, il faut changer la cassette au milieu, bref, voilà. Ça va être alors bien. Moi, c'est pas du tout mon podcast préféré, cette émission, mais d'accord. Voilà. En même temps, t'as plus d'autoradio cassette. Bah actuellement, j'ai, je crois qu'il marche plus mon autoradio. Je sais pas trop, en fait. Ça te rend triste, visiblement. Non, je m'en fous. Je vous propose d'ouvrir un Tipeee ou un Patreon pour acheter un autoradio cassette Autoreverse à Chris. Donc je vais voir avec nos contacts auprès des différents sponsors et partenaires de cette émission. Écoute, je viens de recevoir un mail. On est déjà à 150% du financement. C'est vraiment incroyable. Merci à tous. Merci. Merci Ulule. Merci Ulule. Merci la communauté. Et surtout, merci la vie.